C'est fou. 89.1. Visitez cfou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. On parlera du match d'impro spécial Carnaval avec Gabriel Bioud dans les quiz de la lutte. Et on discutera de l'actualité locale avec Louis-Philippe Quentin et Jimmy Thibodeau à l'international. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce mardi 26 janvier 2016. 91 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016, je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. C'est Tania, ça va? Ça va super bien, merci. Oui, on est toujours heureux une fois rendu à notre intro chantée par nous-mêmes. Oui. Un jour, on va s'habituer à nos intros qu'on n'aura plus besoin de mentionner à chaque jour qu'on aime ça. Peut-être. Celui-là, c'est sur les paroles de Valès Parietar, chantées par Tania et moi sur la musique de Ludwig Göransson, qu'on débute l'émission d'aujourd'hui. Oui. Donc, dans le plan de cette émission d'assemblage Reiki, à 8h, on a Jimmy Thibodeau et à sa chronique sur l'actualité internationale passée sous le radar, c'est-à-dire des choses que vous n'avez peut-être pas entendues dans les grands médias. Donc ça, c'est à 8h. Ensuite, à 8h30, on va avoir Gabriel Bioud et la chronique dans les coulisses de la Luitre. On va parler du match qui a lieu jeudi après-midi à 16h au 10-12. Donc, c'est un autre endroit que d'habitude, un autre jour que d'habitude et une autre heure que d'habitude. C'est beaucoup de facteurs à retenir en vraiment? Même temps. Donc, on va en parler avec lui à 8h30. À 9h, Louis-Philippe Quentin du journal Zone Campus va nous faire un petit survol du plus récent numéro qui sort aujourd'hui, un petit peu plus tard dans la journée. Celui qui parle, entre autres, hein, d'actualité, d'art et spectacle. Entre autres. Et de sport. Et on va aussi parler du Carnaval étudiant 2016 avec Mélina vers les 8h30. C'est pas pire, ça? Sinon, est-ce qu'on est prêt à commencer avec une première chronique drette sur le bord de même? Drette sur le bord de même? Tu veux qu'on se calme un peu, hein? Ouais, s'il te plaît, là. Tu sais, il est tôt. On va se découter les yeux. Ouais, mettons. C'est ça. Boire une petite gorgée d'eau. Petite gorgée d'eau le matin, toi. Petite gorgée d'eau le matin. Tu fais ça? Je fais ça. Tu vas pas directement à l'alcool? En temps normal, je vais directement au café. OK. Voici mais... Renard Blanc et la brume. Je sais pas pourquoi je te fais ce personnage-là en ondes. Je sais pas. Ouais. C'est correct. Je suis pas sage. C'était la brume de Renard Blanc. Maintenant, voici quelqu'un qu'on aimerait flatter dans le sens du poil. Ah oh, ouais. Voici Tania's Gonna Entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Salut Tania. Tu m'as teasé un petit peu agacé aujourd'hui en me disant que t'allais parler d'un sujet qui allait, en tout cas, m'interpeller, m'intéresser, ouais. Je sais pas. Mais t'en as un petit peu en plus, hein? De quoi donc? De la barbe. Oui, j'ai un peu de barbe, oui, merci. T'as un petit peu de barbe, mais, ouais. Mais t'aimes pas beaucoup les barbes d'hipster. J'aime pas les longues barbes là, carrées à genre 90 degrés, coupées avec une équerre, puis ouais, c'est ça. OK, ouais. Ouais. Je comprends, je comprends. Mais oui, comme tu le disais ce matin, mon sujet, c'est la barbe. Ça va peut-être être un sujet court, mais j'ai quand même pas mal de choses à dire. T'as trimé ton sujet. Oui, c'est ça exactement. J'ai trimé, j'ai fait de la recherche pour tout ça. C'est ton sujet favori des favoris. La barbe ou les hommes qui portent la barbe. Je pourrais continuer longtemps avec ces jeux de mots. Ouais, non, on va arrêter ici, merci. Bien, en fait... On a déjà parlé, on a déjà posé la question. J'ai jamais vraiment apporté la vraie réponse. Tu te souviens, il y en a beaucoup qui ont les cheveux gris, oui, ça peut arriver. Ça arrive aussi, oui. Qui ont les cheveux bruns, qui ont les cheveux noirs, peut-être même blonds, mais qui ont la barbe rousse. C'est un peu bizarre, ça, ouais. Ouais. Et là, la plupart du temps, la question qui va arriver, c'est « Est-ce que mon père est vraiment mon père? » Eh bien, rassurez-vous, 99% du temps, votre père est bien votre père. Vous n'avez pas été conçu par le laitier qui portait le lait dans le temps. Mais oui, c'est vrai, ça arrive plusieurs fois qu'on va voir des gens qui vont avoir les cheveux et la pilosité sur le corps d'une certaine couleur, mais tout d'un coup, la barbe est comme rousse. Ouais. Et il y en a plusieurs qui font comme « Pourquoi? » Donc, le reste du corps va aller avec la tête et non pas avec la barbe? C'est ça que je vais vous expliquer un peu. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer et de démystifier ce matin. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. OK? Donc, écoutez bien parce qu'il y a plusieurs titres que je vais donner. Okay. Eh bien, en fait, tout ça découle du fait que les scientifiques ont appelé un chromosome 16. 16. Chromosome 16. Et là, laissez-moi vous dire qu'est-ce que le chromosome 16. Eh bien, en fait, c'est ce fameux chromosome sur lequel on retrouve le gène MC1R. Et ce fameux gène-là, c'est le gène qui détermine la rousseur de votre peau, de vos cheveux et votre barbe. OK. Donc, en théorie, lorsque vous avez un double gène MC1R, vous allez être des vrais roux partout, oui. Là. Tu sais, comme... Oh, okay. Comme j'aime bien. Tu sais, genre Ron Weasley, là. Okay, Ron Weasley, ouais, OK. Vous êtes roux à grandeur, OK? Si ouais. Vous avez un double gène MC1R. Par contre, si vous avez simplement un MC1R, si vous avez une fois ce gène-là dans votre ADN, eh bien, ça va être probablement soit juste la barbe ou les cheveux qui vont être d'une autre teinte. OK. Donc, vous pourriez, par exemple, avoir les cheveux roux, mais une barbe brune. Oui. Mais la plupart du temps, on va plutôt voir le contraire, parce que si vous avez les cheveux roux, il y a de fortes chances que vous avez le double gène MC1R okay. En vous. Oui. Donc, si vous vous laissez pousser la barbe, vous allez probablement réaliser que, ah oui, votre barbe est rousse aussi. Ça, c'est parce que, en théorie, vous êtes un vrai roux. Un jour, du jour au lendemain, tu regardes le miroir, « Ah, oh, ouais, c'est vrai, je suis roux. » Oui, okay. Exactement. Parfait. Exactement. Il y a plusieurs variantes dans la couleur des cheveux, de la peau ou des poils en général qui sont possibles, mais comme je le disais, bien souvent, on va voir ce fameux... ce phénomène. Ouais. Ce phénomène-là. Simplement lorsque vous avez juste un gène MC1R. Là, je me suis posé la question, en fait, qu'est-ce qui était... le chromosome 16 en tant que tel. Et là, je dois vous avouer que... Ça devient scientifiquement compliqué. Ouais. Ouais. Tu sais, en temps normal, il y a Justine qui vient les jeudis. Fils. Je ne suis point Justine. Je n'étudie point en biologie médicale. Alors, je me suis dit que j'allais laisser de côté tout le côté scientifique du chromosome 16 et du MC1R. Et j'allais simplement vous expliquer que si vous en avez deux, vous devenez un vrai roux, et si vous en avez un, vous allez avoir des variantes de couleur. C'est assez, ça. Vous pourriez aussi avoir des variantes de couleur sur vos autres poils du corps. Comme on l'appelle, est-ce que le tapis fit avec les rideaux? C'est ça, comme ta fameuse ouais. Oui, expression. C'est pas la mienne. Que tu dis souvent. Oui, mais c'est pas la mienne. Non, c'est vrai. Il peut également avoir des taches de rousseur ou bien une peau plus claire si vous avez simplement un gène MC1R. Ouais. Parce que là, comme je viens de le dire, si vous avez les deux gènes, vous êtes un vrai roux. Mais si vous avez juste un gène, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être juste votre barbe qui va découler de tout ça. Vous pouvez, en théorie, avoir la peau plus claire, des taches de rousseur. Il y en a certains, des bruns qu'on va voir avec des petites taches de rousseur brunes. C'est rare, c'est très rare. C'est par contre, ça se fait. Ben oui. Ah. Puis, ça arrive aussi du côté des filles, qu'on va voir des filles avec les cheveux bruns, mais des reflets roux avec des petites taches de rousseur brunes. C'est la même chose. Ça se porte du côté féminin aussi que du côté masculin. C'est le fameux phénomène qui se produit quand il y a tout ça dans votre corps. OK, c'est magique. C'est le phénomène de la rareté aussi. C'est ça qui fait que c'est encore plus attirant pour ben moi. Oui. La rareté. Surtout pour toi, hein? C'est vrai, t'as comme un penchant pour les rousses. J'ai un penchant pour belles affaires, mais oui. Pour belles affaires. Comme c'est vrai, les taches de rousseur, tu sais, rousse, c'est sûr. Oui, ça va ensemble. Vrai. Mais oui. Mais tu peux avoir juste les taches de rousseur, pas être rousse aussi. C'est tout aussi. C'est vrai parce qu'il y a des rousses qui n'ont pas de taches de rousseur. C'est vrai aussi. Ah, ça serait peut-être un sujet d'une autre chronique, les taches de rousseur. Qui c'est sait. Compliqué. Qui dit barbe, pas nécessairement d'une autre couleur, mais qui dit barbe dit fameuse mode hipster. Ouais. Dit fameuse mode bûcheron. Oui. Est-ce que ça va venir à une fin, cette fameuse mode-là? Ça n'a pas le choix, hein? Ça va revenir plus tard, mais pour l'instant, à un moment donné, que, il va y avoir... Est-ce que ça s'en va vraiment? Eh bien là, laissez-moi vous dire qu'il y a un jeune docteur qui s'est penché sur la question, et c'est le docteur Alan Withey. C'est pas vraiment un docteur, un docteur, mais c'est plutôt un historien, attention, de la barbe. Ben non! C'est pas des blagues. Ben non! Et je t'explique comment est-ce que tu peux devenir historien de la barbe. En fait, quand tu deviens historien, évidemment, il a fait des études en histoire, là. C'est littéralement un hipsterien. Ben, ouais, probablement. Mais en fait, qu'est-ce qui découle du fait qu'il est devenu historien de la barbe? C'est que c'est son seul sujet de recherche. Aïe, aïe. Ouais, il faut ne recherche... Ça, maudit. Ben... C'est comme aller être pas diable. Faut aimer les pieds en maudit. Ouais, en effet. Lui, il aime les barbes. C'est vrai. T'as le droit. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu moins dégueu. Qu'est-ce qui a fait en sorte, justement, qu'il a été déclaré historien de la barbe? Eh bien, c'est pas très, très compliqué. Il a fait une étude sur 3 ans de est-ce que la barbe est vraiment importante entre les années 1700 et 1918. Ouais. Donc, il a étudié tout ça, là. Il a étudié comme 218 ans pour, sur 3 ans. Pour arriver à la question, est-ce que la barbe est vraiment importante? Pourquoi est-ce qu'elle est importante aux yeux des hommes? Et pourquoi? Pourquoi? Et en fait, il a décidé de faire cette étude-là? Qu'est-ce qui l'a amené à pousser ses recherches, à savoir, moi, si je me laisse pousser la barbe, c'est-tu vraiment important? Eh bien, sachez que lui a fait l'étude parce qu'il voulait comprendre la compréhension du corps par rapport à qu'est-ce qui se passait justement. Tu sais, je parlais de la couleur de la barbe qui va être différente. Bien, lui s'est attardé à un sujet comme ça dans son étude. Il voulait aussi se pencher sur la santé qu'on va apporter. Est-ce que ça va nous amener des bactéries? Tout le côté médicinal de la barbe va rentrer dans ses études aussi. La soupe de sa moustache. Oui, la soupe de sa moustache. Bien, l'hygiène est une très grande partie de son étude. Mais aussi, le taux de masculinité que ça l'apporte. Ah, ça te rend plus viril d'avoir une barbe. Est-ce que les hommes se sentent plus virils lorsqu'ils ont une barbe? Se sentent plus virils, peut-être, mais on l'a plus viril, c'est pas, je veux dire... Te sens-tu plus homme parce que t'as du poil dans la face? Non. Non? Non. Mais toi, personnellement, non. Ou non, c'est ça. J'aime juste mieux ma face avec de la barbe. Tu sais, j'aimerais ça la trouver, sa recherche. Moi, ouais, c'est ça. J'aimerais vraiment ça parce que j'aimerais ça la Parce que je pense pas que ce soit un territoire genre purement 100% hétérosexuel, la barbe, de toute façon. Là. Non, non, non, non. Tout le monde peut avoir une barbe. Ah oui, ouais. Tout à fait. Everyone! Mm-hmm. Tout le monde! Tout le monde, tout le monde. Et en des fait, hormones, s'il faut. Il en est venu à pouvoir répondre à la question « Est-ce que la fameuse barbe des hipsters, ça va arrêter? » Il Est-ce reste que... encore sûrement un bon 5-6 ans. Là. Et parce bien... que aux boutiques qui ouvrent en ce moment de barbier à Trois-Rivières, mm-hmm. doit être encore sur le début de la mode ici. C'est vrai, hein? Ouais. Mais je l'ai coupé. Mais sache que la barbe des hipsters devrait généralement partir très bientôt. Très bientôt? Très bientôt, parce qu'on est en train d'en voir l'élimination aux États-Unis présentement. Ben oui, mais on est en retard au Québec tout le temps, fait que c'est, ben ça oui. a du sens. Parce qu'on retourne à la fameuse coupe où que les gars sont vraiment rasés de près oui. pour avoir l'air plus homme d'affaires. C'est ça, classe. On est dans la fameuse ère de l'entrepreneuriat. Ouais. Eh bien, ça a l'air que du côté des États-Unis, ça se voit de plus en plus. Si ta barbe est encore là, ça fonctionne pas nécessairement bien. Alors, aux États-Unis, les gars commencent à se raser de plus en plus et on devrait voir ça découler ici même. Donc, on devrait voir une diminution de la fameuse barbe hipster d'ici quelques temps. Mathieu, ben, tes rêves seront réalisés. Ben, je l'en souhaite pas mal, mais c'est que c'est tout, ça a toujours été comme ça. On est toujours super en retard. Puis là, je voyais des boutiques de barbiers ouvrir à Trois-Rivières sur Facebook depuis quelques semaines. Je me dis, coudonc, t'es donc bien en retard. Puis ton plan d'affaires est basé sur quelque chose qui va arrêter dans 6 mois. C'est vrai, hein? C'est quoi ça? Mais tu sais, je leur souhaite encore une fois bonne chance, mais je vois pas un grand futur pour les barbiers. Tout à fait. En tout cas. Mais la question aussi, c'est... Est arrivée d'où cette fameuse barbe hipster-là? Oui. Parce qu'avant la fameuse barbe hipster, on n'avait pas vraiment cette fameuse demande de virilité-là du côté des hommes. Instagram, peut-être? Eh bien... Je dois dire que ça a commencé vers 2013, déjà en partant. Mais pourquoi est-ce qu'elle est revenue, cette barbe-là? Eh bien, en fait, les Victoriens, déjà en partant, réclamaient leur droit de masculinité et de virilité, ça, on doit le savoir. Mais aussi, il y a beaucoup, beaucoup de célébrités qui ont un gros effet sur la population. Ça, on doit le savoir. On parle ici, entre autres, de George Clooney, Bradley Cooper, Ben Affleck, puis tout ça. Et on doit savoir qu'en 2013, aux Oscars, tous de ces acteurs-là, masculins, sont arrivés avec une barbe. Et en théorie, selon la recherche du Dr. Withey, ça serait une des raisons pour lesquelles la barbe d'hipster est arrivée dans nos vies. Wow. C'est à cause qu'en 2013, ces acteurs-là, qui avaient eu des rôles avec barbe, ont décidé de ne plus se raser pour la cérémonie des Oscars. Et c'est comme ça que cette fameuse mode a éclaté. Mm-hmm. Donc, en théorie... C'est encore de la faute des médias. Ça, c'est toujours. Encore, c'est encore de notre faute. Mais là, il y a aussi la question, est-ce que les femmes vous trouvent moins attirant parce que vous avez de la barbe ou vous n'avez pas? C'est une question subjective de goût. Tu peux pas dire que toutes les femmes trouvent ça plus beau ou moins beau. Moi, je dois avouer qu'avant que je connaisse une personne en particulier avec de la barbe... Qui portait particulièrement bien la barbe. Qui portait particulièrement bien la barbe, je dois l'avouer. Je tripais pas sur les hommes à barbe. En fait, je n'aimais pas les hommes à barbe. Okay. Après avoir connu cet homme, ce garçon... J'ai aimé les hommes à barbe. Et là, je dois avouer que il y en a trop. Trop, c'est comme pas assez. On doit modérer, monsieur. Modérons. Tu sais, se raser une fois de temps en temps, hein? Ça fait du bien. Ben oui. C'est correct. Mm-hmm. Enlève-la, puis au pire, fais-la pousser. Tu comprends? C'est correct, c'est correct. Mais, surtout, si une fille vous dit qu'elle n'apprécie pas nécessairement la barbe et que vous en avez une, essayez pas de sauver votre cas en disant « Ben, j'ai juste oublié de me raser. » Ben non. T'sais, soyez honnête. Si vous aimez ça, la barbe, puis vous voulez la garder, dites-le. C'est juste vous qui allez être flushée. Non, c'est pas vrai. Vous n'allez pas nécessairement être flushée. Mais tout ça pour dire que oui, c'est un goût qui pourrait... Tu sais, c'est sûr qu'on va voir des gars qui vont rester avec la barbe malgré le fait que le phénomène en tant que tel va partir. Mettons, tu sais, je me considère comme un gars qui suit vraiment pas la mode. Vous savez très bien que c'est le cas. Mais tu sais, et comme notre collègue Danny Janvier de l'émission du midi, le Dîner de con, dit, tu sais, il n'y a pas de meilleure façon de passer de mode que de suivre les modes. C'est vrai. Si tu suis les modes, tu vas être beau pareil. Ben oui, tout à fait, parce que tu vas être unique, tu vas être celui qui va se démarquer, mais si tu suis la mode aussi, c'est qu'à un moment donné, tout le monde le fait tellement qu'il y a comme une espèce d'écœurantite aiguë. Ben, mais ça. Et c'est ça qui se passe présentement avec la barbe, c'est qu'il y a une écœurantite aiguë des barbes, et on le voit aux États-Unis, donc ça devrait s'en venir ici dans pas long. Donc, messieurs, sortez vos rasoirs, ça devrait pas prendre beaucoup de temps. Trimmer en premier, parce que c'est difficile à raser avec la C'est vrai, hein, surtout si vous avez une grosse barbe, là, comme certains bûcherons qu'on voit un peu partout. Là. Ouais. On les salue. Oui, on salue nos bûcherons. Oui, c'est ça. Merci, il y en a d'autres ailleurs. Mais... Oui. Ouais. Ça fait plaisir. J'ai malheureusement pas de pièce musicale qui parle de barbe. J'en ai une pour toi. T'en as une pour moi? En fait, elle parle pas de barbe. OK. Mais comme j'avais vraiment envie d'entendre... Parler de poils. J'avais envie d'entendre les Beach Boys. Fait que voici Barbe Run. Juste pour le gag. C'est juste drôle. Juste pour le gag. Saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann. Beach Boys et Barbara Anna, assemblage requis. C'est là-dessus que se termine la chronique Tania Esgalin-Dutinia. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Au temps de la pause, Jimmy Thibodeau et l'actualité internationale passée sous le radar. Dans Selon le monde, que ça se passe à assemblage requis. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Requiem, ce mardi 26 janvier 2016, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Je t'ai entendu encore dans une nouvelle publicité. Mais oui, on m'entend dans plusieurs publicités. C'est ça, faut s'habituer à toi. On aime ça. Oui. Dans quelques instants, on va justement, comme ta publicité qui prenait son envol à bord d'un avion de je sais pas trop quoi, c'était ça? Oui, oui. C'est la sortie de secours, le secours est à votre gauche, je sais pas trop. Est à votre gauche, exactement. C'est ça, jeudi, 13h. Mm-hmm. Ouais. Donc, parlant de s'envoler, tiens, allons à l'international dans quelques instants avec Jimmy Thibodeau. Avant ça, oui. Envolons-nous avec un cerf-volant. Tu vois, ah ouais. Le Paper Kites, voici Renegade. Mmh. C'est rempli de liens. Plein de liens. Had a dream that I sent for your love in the morning. And you came to me at about a quarter to three. Said I didn't look like I used to look, and man, I do not know your face. And I woke to discover that the thing that you said was true to me in some kind of way. So I stepped down the figure in the bathroom mirror, took the razor in my hand. I could draw a line or I could cut my hair, but it don't change the way I am. Cause I'm a part of the world I live in now. Only set it. And the world ever seen. And once I walked the rhythm in my old dead way, part of the evolving age. But I heard the warning from that young man's lips, and he said the times would change. The Paper Kite, c'est Renegade à Assemblage Rocky. On parlait de barbe tantôt avec Tania. Mm-hmm. Tu as trouvé le site, le barbapapa.net, c'est ça? Bien, en fait, le site sur lequel j'ai trouvé le fameux phénomène de la barbe rousse avec les cheveux bruns, c'est la barbapapa.net. Et c'est vraiment un site consacré en entièreté à la barbe, à la moustache, à la tonte de barbe et au rasage. Bon, bien, considérez ça comme un compliment d'information à la collègue de ouais, tantôt. Voilà. Et accueillons justement un autre poilu, je te dirais. C'est vrai, c'est un poilu, il est barbu. C'est vrai, il y a de la barbe. Ben, c'est vrai, c'est vrai. Assume-toi, assume-toi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est Jimmy Thibodeau qui est là pour la chronique « C'est dans le monde que ça se passe ». Bonjour. Bonjour oui. À toi, bienvenue encore une fois parmi nous. On se retrouve chaque semaine à l'émission depuis quelques moments. Ça fait quoi, c'est la troisième, on va arrêter de compter à un moment donné. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui dans l'actualité internationale qui passe sous le radar? Bon, pour le transracialisme en passant, est-ce que oui, vous y avez... Vous y avez-tu pensé encore après un peu? J'ai pensé qu'à ça, en fait. Ah oui, c'est ça que je me disais. On a parlé, en fait, des gens qui se disaient d'une autre race. Autant que certains, dans le fond, sont transgenres. On avait c'est le transracialisme. Comment t'as dit? Transracialisme. Transracialisme. Mais attachez vos ceintures parce que je vais vous faire... Je vais vous troubler encore plus avec un fait divers qui date de novembre 2015. Vous allez voir. OK. C'est ça. Connaissez-vous la communication facilitée? Et hey boy, c'est de la communication facile. C'est ça, on sent la facilité dans nos gags, sont très faciles par moment. Mais dans le fond, je vais commencer par le commencement. Chez les personnes lourdement handicapées mentalement ou physiquement ou les deux, la communication, ça peut être extrêmement difficile. Mm-hmm. Donc ce qu'on fait, c'est que des fois, on donne un tableau, par exemple, avec l'alphabet. Puis là, t'as une aide à côté qui demande à la personne de pointer des lettres. Puis là, ça fait des mots, ça fait des phrases. C'est super long, mais... C'est super long. Au moins, c'est efficace. Ou encore, tu utilises un clavier d'ordinateur. Donc, t'as les deux solutions principales. Mais ça, des fois, ça suffit pas. Il y a des personnes qui sont tellement handicapées mentalement ou qui ont des fois une paralysie cérébrale, par exemple. Ils sont même pas capables de bouger les mains. Donc, à ce moment-là... Quelles solutions existent? Il n'y en a pas beaucoup, mais l'une d'entre elles qui est extrêmement controversée, c'est la communication facilitée. Okay. C'est le même principe qu'avec le tableau, l'alphabet ou le clavier, sauf que la personne, l'aide, la facilitante ou le facilitant, si on peut dire, tient le coude de la personne. Mm-hmm. Puis le but, dans le fond, c'est de l'aider à faire ses mouvements. Quand tu sens que la main va vers quelque part, dans le fond, c'est comme si tu essayais c'est de l'aider. C'est comme un Ouija. Un Ouija. C'est exactement, j'adore la comparaison, puis ça, on va revenir tantôt d'ailleurs. Donc, supposément qu'avec la communication facilitée, on serait capable de permettre aux gens de communiquer à tout le monde. Avec les esprits. Peut-être non, pas nécessairement. Okay, je mélange les choses, c'est ça? C'est t'es en train de un peu, un peu. Une plaque de Ouija, là. Mais c'est extrêmement controversé, puis toutes les études scientifiques qui ont été faites à propos de ça n'ont démontré aucune preuve à l'effet que ça serait, dans le fond, que ça marcherait cette affaire-là. Il n'y a aucune preuve. D'ailleurs, c'est un peu bizarre des fois quand on voit ça en pratique parce que les gens, des fois, qui sont les gens handicapés qui sont supposés écrire, ben des fois, ils regardent ailleurs pendant que la personne à côté a tapé le clavier. Elle est en train de genre de lui donner tout son héritage. Genre, bon, okay, je lègue mon argent à la personne qui m'aide. Je parle d'héritage, mais attends, il y a pire tantôt. Oh mon Dieu. Oui. Et là, il y a aussi eu des tests qui ont montré, en tout cas, ben pour les dans les tests qui ont été faits, je ne sais pas si c'est généralisé, mais quand la facilitante ne savait pas le sujet de la conversation, ben la personne n'était pas capable de parler. Ben c'est ça. Donc, il faut vraiment qu'il y ait comme une interprétation de ce que la facilitante pense que la personne peut vouloir dire dans un contexte précis. Ouais. Ben en fait, ce que ces tests-là nous montrent, c'est peut-être que, dans le fond, c'est la facilitante qui communique inconsciemment à travers le... C'est pareil comme Ouija, pour vrai. C'est comme l'écriture automatique, mais transmise par quelqu'un d'autre. Oui. Ça ressemble beaucoup au Ouija, puis on est arrivé à des conclusions similaires au Ouija. C'est pour ça que j'aime la comparaison. Mais en tout cas, chose certaine, c'est considéré comme de la pseudo-science à l'heure actuelle. Okay. Mais on a des témoignages encore aujourd'hui qui nous disent là, il y a des gens qui ont. Ben, il y a des gens, en tout cas, qui essaient de nous confirmer que ça marche. Puis il y a des gens qui disent mais regardez, lui, par exemple, ça l'a aidé à communiquer plus tard. C'était comme une étape vers une communication plus indépendante, autonome. La personne qui était facilitante, c'était Chantal Lacroix. Je pense qu'elle faisait bouger les tables avec ses jambes. Oh mon Dieu. C'était la même affaire. C'était la même affaire. Donc voilà pour la communication facilitée. Maintenant, je vous amène au cas de Anna Stubblefield, une Américaine du New Jersey. C'est une professeure d'éthique à l'université. Elle s'occupe, son principal champ d'intérêt, c'est l'éthique par rapport aux minorités. Okay. Et puis, dans le fond, elle aimait beaucoup les relations d'aide. Donc, elle est allée voir une famille de race noire, là, dans le fond, qui ont un handicapé mental avec eux. Dans le fond, cet handicapé-là, on l'appelle DJ, c'est son pseudonyme, là, parce que c'est un cas de tribunaux. Là. On ne veut pas dévoiler son nom. Ouais. Fait que DJ, lui, c'est un gars de 30 ans. Et puis Anna, elle a 40 quelques années. Anna, elle est mariée, elle a deux enfants, de race blanche aussi. Et puis DJ, lui, il est handicapé mental. Il n'a jamais sorti avec qui que ce soit. Il n'est même pas capable de faire des tâches qu'on donne à des gens en prématernelle. Il est vraiment lourdement handicapé. On n'a jamais pu montrer qu'il est capable de communiquer. Okay. Puis il est en chaise roulante et tout. Bref, c'est ça. Il est vraiment pas autonome. Et puis, Anna, elle voulait aider la famille en montrant que DJ serait peut-être capable de communiquer. Avec ce fameux phénomène-là. Avec la communication facilitée, okay. Exactement. Et puis là, ça a débouché. Ben, la famille était super enthousiasmée parce qu'elle voyait comme une sorte de progrès. Mm-hmm. DJ était capable de communiquer pour la première fois. Mm-hmm. On trouvait ça merveilleux. Mais après quelques mois, mettons, Anna avait comme une déclaration à faire à la famille. Oui. Dans le fond, elle. C'est-tu 9 mois plus tard? Non. Ah, c'est sûr. Non, mais presque parce qu'elle a dit dans le fond qu'elle était en amour avec DJ puis que DJ était aussi en amour. Fait que là. Oh, wow. Ouais. Ok, lui aussi est en amour. Elle a décidé qu'il était en amour. Elle a fait pointer des lettres avec son pipi. C'est ça. On présumera pas la culpabilité ici. Non, excuse-moi, je vais trop loin. On peut y donner le bénéfice du doute, mais c'est tout le temps vraiment compliqué parce que ça a amené à beaucoup de cas de tribunaux où le bénéfice du doute est vraiment dangereux. Dans le cas d'Anna Stubblefield, dans le fond, elle a été accusée d'agression sexuelle contre DJ, dans le fond. Ah, parce qu'ils ont eu des rapports. Oui, oui. OK. Oui. C'est ça. Puis, ouais, ça vient toucher la chose. Hein. C'est pas juste lui montrer comment communiquer. Non, c'est ça. Mettons que le DJ a mis son aiguille sur sa table tournante. Non. Comme on dit. Oh boy, l'expression. Et puis, dans le fond, même si Anna voulait montrer que DJ était capable de communiquer son amour pour elle, mettons, eh bien, la preuve a été rejetée dans les tribunaux. Puis, la famille, curieusement, n'y croyait plus du tout à cette méthode de communication-là. Ouais, c'est ça, non, c'est ça. Donc, c'est vraiment un cas troublant dans le sens que on se peut se demander, ouais, mais mettons que ça soit vrai, tu sais. Ouais. Donc, c'est un peu. Et si c'était une vraie histoire d'amour, même si ça semble pratiquement impossible. Si les médiums étaient vrais et si les fantômes mentaient vraiment dans le studio de C'est Fou. Mais est-ce qu'à ce moment-là, en fait, il continue à voir si DJ communique avec le reste de sa famille? Il peut pas communiquer. Il peut plus communiquer, non. Ben, on croit plus à la méthode de communication, donc c'est fini. S'il avait trouvé un autre communicant similaire avec la même technique de coude ou peu importe, il aurait probablement genre lui donné complètement des paroles différentes à DJ. Peut-être. Et là, on aurait pu. Ce serait peut-être ça l'idée. Ce serait peut-être d'avoir mettre un gars avec un comité de de communicants, puis de voir la moyenne de qu'est-ce qu'ils disent. Mais c'est un peu comme, prendre le contrôle de la personne, mettons. Oui, c'est très médium, je trouve. Oui. Comme d'entrée moyen. Mais c'est extrêmement dangereux, puis c'est une sorte de pseudo-science pour l'instant. Donc, faut pas faire confiance à cette affaire-là. Puis ça amène à des cas de tribunaux extrêmement troublants. Puis là, c'est seulement la pointe de l'iceberg, parce qu'il y a plein d'autres cas. Ça, c'est à la limite quasiment romantique, même si ce n'est pas tant que ça. Ça ferait un beau film, par contre. Ça ferait un super beau roman ou un film. Là. Mais il y a des cas vraiment plus épouvantables que ça. Par exemple, le cas où il y a des facilitants qui ont fait déclarer à leur personne qui s'occupait, dans le fond, que il y avait des agressions sexuelles dans la famille. Donc, par exemple, tu as une personne qui est en relation d'aide puis qui fait de la communication facilitée avec un handicapé mental. Alors, cette facilitante-là fait dire à travers la personne handicapée qu'elle a eu des agressions sexuelles de la part de sa famille. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Là, on peut-tu vraiment accepter cette preuve-là dans les tribunaux? À chaque fois, là, de tous les cas que j'ai vus sur Internet, la preuve a été rejetée. Avec raison, là, selon moi. Ouais. Mais quand même, après que la preuve a été rejetée, les gens ont été comme renvoyés à leur maison, là, où il y avait eu les allégations d'agression sexuelle. Donc, c'est sûr, il y a toujours le truc du bénéfice du doute, où c'est vraiment... Ça trouble l'esprit un peu. Ça gâche la famille, probablement. Les soupçons restent là, quand même. Oui, c'est des allégations qui touchent la famille longtemps. Et puis, c'est arrivé aussi même à un professeur, d'ailleurs. Oh. Imaginez un professeur qui est accusé d'agression sexuelle par une facilitante ou un facilitant. Et puis là, il perd sa job, là, sa carrière est foutue. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a les cas d'agression sexuelle, mais il y a aussi des cas de suicide assisté ou de meurtre, on ne le sait pas. Wow. Ouais, oui, hein. Parce qu'il y avait des personnes handicapées mentalement qui, supposément, auraient déclaré à leur facilitant ou leur facilitante qui voulait mourir, qui en pouvait plus de cette vie qui valait pas de la chenoute, mettons. Là. Mm-hmm. Et puis, la personne a décidé d'abréger leur souffrance. Et là, la personne dit, mais c'est du suicide assisté, c'était de la pure empathie. Mais dans le fond, on ne le sait pas, c'est peut-être juste la personne qui pensait ça dans son inconscient. Ouais. Puis, donc, voyez-vous, c'est vraiment des cas assez troublants. Puis, je pense que la morale qu'on peut en tirer de tout ça, c'est vraiment que la pseudo-science, il faut toujours faire attention avec ça. Et c'est mieux de la limiter au maximum, je pense, parce que ça peut amener à des cas aberrants comme ça. D'autant plus qu'il existe d'autres manières de faciliter la communication. Il y a des méthodes qu'on appelle de communication améliorée. C'est pas facilité, il y a une nuance là. Dans le fond, communication facilitée, c'est pas autonome, mais avec communication améliorée, par exemple, on permet à la personne handicapée de communiquer à l'aide de mouvements des yeux. Même encore là, il y a des personnes qui sont handicapées mentalement, qui sont pas capables de communiquer avec la communication améliorée, mais sont capables de communiquer avec la communication facilitée. Alors, à ce moment-là, on peut se demander, est-ce qu'il est capable de communiquer tout court? Mais bref, dans le fond, la communication facilitée, c'est quand même là pour rester encore dans la société, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y croient. Et puis, je pense qu'on doit vraiment faire attention avec ça. En effet. C'est vrai, hein, parce que ça peut amener vraiment beaucoup de questions. En effet. C'est pas mal spécial tout ça. Puis encore une fois, ça nous a rappelé Ouija tantôt. Ça rappelle les médiums aussi à télé qui sont bien populaires. Peut-être qu'un jour, il y aura un show de télé-réalité sur les facilitants. C'est un peu comme le Ouija, effectivement, parce qu'il y a des études qui ont montré que le Ouija, en fait, les mouvements sont complètement inconscients. C'est nous, dans le fond, qui décidons de ce qu'on fait. Du mental. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, il y a des parallèles à faire avec ça. Et puis, ça fait le tour pour moi. C'est un excellent sujet, encore une fois. Tu as le don de trouver, t'as le don qui vient d'en haut. Ouais, c'est ça. C'est descend vers toi. C'est sûr, c'est sûr. De nous amener des sujets passionnants comme ça. Et on te retrouve mardi prochain à 8h. Oui. Pour une chronique. Voilà. Dans le monde que ça se passe, ça. Ouais, voilà. Oui. C'est ça. Merci, Jimmy Thibodeau. Merci à vous. Dans quelques instants à peine, on va parler avec Émilie du Carnaval étudiant 2016. Mais avant ça, écoutons Reversing Falls et This Is Why. Tu vois, ça tombe comme une chute. Comme ça, pareil. Sing Falls et This Is Why à Assemblage Rocky. Maintenant, ben, c'est le moment, comme on l'a dit tout à l'heure, d'accueillir Mélina du Carnaval étudiant 2016. Salut à toi. Bon matin. Mélina, deuxième jour de participation à l'émission, on va s'habituer. On va s'habituer. Demain, ça va aller mieux. Ou ça va être pire. Ah, ben, c'est des deux. D'habitude, c'est plus qu'hier, mais moins que demain. Ouais, oui, parce qu'en théorie, la fatigue, on la ressent juste deux jours plus tard. Hein? C'est ça. On a aussi Caroline Filion qui va peut-être participer, mais elle dit que non. Fait qu'on laisse son micro ouvert, puis si elle a quelque chose à dire, elle le dira. Revenons sur la journée d'hier, Mélina, parce que hier, c'est la première journée du carnaval. Et on va résumer ça un petit peu dans l'ordre chronologique des choses. En commençant par la parade, mettons. La parade, ouais. Oui. J'ai été impressionnée. Il y a deux assos qui sont arrivés en autobus. Dont Ami, ça, pour de vrai, cette année, je suis impressionnée. Ils se sont vraiment donnés pour la parade. Là, la grosse autobus, c'est pas une petite affaire. La grosse patente pour 8 personnes. Genre, j'ai 8 personnes dans un autobus de géant. Ouais. Voilà. Non, j'ai vraiment trouvé ça le fun. On a eu, c'est sûr, justement, le matin, Odyssée avait tout plugué leurs choses. Donc, j'ai dû parler dans un porte-voix. Mais le monde a été très respectueux. J'ai vraiment trouvé apprécié. L'Odyssée étant le matériel de son. Sonorisation, ouais. Oui, excuse-moi. Puis, c'est ça, le monde ont quand même écouté. Ils ont été super gentils, très respectueux. J'ai trouvé ça le fun pour un début de carnaval. Je trouvais que ça partait bien la semaine, sur un bon ton, si je peux dire ça de même. C'est une oui, expression. Ben, ça, c'est... Oui. C'est le fun aussi d'avoir vu les photos passer sur Facebook. Oui. Des gens déguisés avec leur... Chaque association avait une thématique... d'école secondaire, c'est la thématique du carnaval cette année. Les nerds, les douchebags. Les campagnards, les douchebags. Eux autres aussi, ils poussent assez loin leur thème. C'est quelque chose. C'est vrai, hein? C'est celui qui fitait le plus drôle, c'était ITA, je trouve, avec genre, sont comme les petits étudiants en art, genre. Oui, ça les Picasso, oui. C'est drôle de voir ça. Du monde de théâtre, ça fait de pas ça. Mais c'est ça qui est le fun. Caroline, c'était pour parler dans le micro, ben là. Ouais, parce qu'il est Caroline, tout vert. Parle dans le micro. Qu'est-ce que elle veut pas insulter le monde, c'est ça l'affaire. Elle est trop gênée. Non, c'est pas réveillée encore, faut lui donner une chance. Caroline. C'est moi qui ai closé hier soir. Oh, à quelle heure? Ah, c'est pour ça. À 3h, c'était pas si pire. Ah, c'est pas si pire. Ah, pas si pire. Meeting à 7h30. Ouais, c'est ça, je la nuit est courte. Pas de problème avec ça. Puis, c'est ça, pour le reste de la journée, après ça, on avait le Quidditch. Oui. Qui s'est bien déroulé aussi. Ajustement à faire pour les prochaines années si on le refait. Par contre, ça a super bien été. Le monde a apprécié, que des bons commentaires. C'est plus à l'interne du comité, mettons, pour les règlements, ces choses-là. Ah, mais, oui, mais c'est ça. Ça va. Ça va surtout la première fois, exactement. Ah, oui. Mais c'est ça, que des bons commentaires. Le monde a vraiment apprécié. On a pris quelques photos, là aussi. Le monde embarque, c'est ça qui est le fun. Oui. Se sont ramassés avec des étoiles, pas des étoiles, mais des éclairs dans le front là, pour Harry Potter. Puis le thème à fond, c'était vraiment génial. Des caps. Ouais, ben ça, c'était dans le cahier du participant aussi. Là, on a poussé un petit peu en lien avec. Mais c'est difficile de roder ces jeux-là hors ronde, comme on appelle dans le métier. De jouer à du Quidditch avec. Il faut quand même pas mal de monde pour jouer à ça, j'imagine. Oui, puis ça va avec le matériel aussi. Ouais. Moi, j'ai pas eu de vif d'or, puis de. Si, puis ça, on s'est arrangé avec des ballons, là. Fait que, tu sais, Y avait-tu des balais? C'était des nouilles. Ah, des nouilles. Ah, c'est les fameuses frites de piscine! Ah, ouais. Voilà. Après ça, mon Dieu, j'ai un blanc. J'ai trop de choses en tête. Caro, c'est quoi qu'il y avait après? T'as pas eu fait d'hier. Non, j'ai amené ça d'aujourd'hui, par contre. Ouais. Oui, c'est fou. Oui, c'est fou. Oh mon Dieu, je suis donc même pas fine. C'est Tania qui a animé ça, en plus. Ouais, ouais, j'ai jamais animé quelque chose d'aussi anarchique que ça, je dois dire. Mais c'était vraiment le fun. C'est le monde l'ambiance. Participait, là, l'ambiance. Évidemment, c'était à la chasse-galerie, là, donc... Ouais. C'était petit, mais non, il y avait du monde, puis le monde embarquait, là, c'était vraiment cool. Hey, je vais faire mon tannant, là, l'année prochaine, imbriquer la police de caractère de mon quiz dans le fichier PowerPoint. Ouais, non, c'est pas... Mais c'est pas eux. Ça, c'est pas leur faute. C'est le laptop qu'on c'est avait, ça. Ouais, voilà. En tout cas, ça m'apprendra. Donc, le quiz, c'est fou, ça, c'était entre 14h et 16h. Oui. Après ça... C'était les salons. Les salons, oui. Les salons. Explique pour ceux qui connaissent moins les salons. C'est un concept, en fait, j'ai aucune idée d'où ça vient, mais... C'est la tradition. C'est ça, exactement. Puis ça va tout avec une joke, une bière. Le lundi soir, tout se découle de 4 à la fermeture. Jusque ça va ensemble. Ça colle après ça au plancher. Oh, puis on nettoie après. C'est ça, c'est tout s'enchaîne. Ouais. Bref, c'est ça, toutes les assos ont une place spécifique dans le 10-12. Ouais. Ils emmènent ce qu'ils veulent, en fait, des divans, des couvertes, des tentes, whatever, qui ont en lien avec leur thème. Puis ils se font comme une cabane de couvertes, si on veut. C'est cool. En lien avec leur thème. L'école Jambon, là. Oui. Ils ont pris une vieille télé, puis ils l'ont recouverte d'aluminium, puis ils ont fait un four avec. Oh, j'ai vraiment malade. Adoré créativité à ce côté-là. J'ai vraiment trippé. Puis c'est ça, il y a plusieurs critères par rapport à ça. Soit l'accueil, l'esthétisme, la créativité, la thématique. Puis chaque personne de prog a un critère à évaluer. Donc quand tu arrives, bien évidemment, avec l'accueil, s'ils ont de la bouffe, nous autres, on mange pas beaucoup cette semaine. Fait qu'ils gagnent des points de ce côté-là avec l'estomac. Sinon, c'est ça. Puis là, ils restent dans leur salon, ils jouent à des jeux, ces affaires-là. Après ça, quand une joke, une bière commence, le monde reste assis dans leur salon. Fait que ça fait comme une ambiance dans le 10-12. Mm-hmm. C'est plus, pas convivial, mais tu sais, c'est moins straight assis sur une chaise. Ouais, ben oui. Puis tu sais, t'as ton représentant de l'assaut qui était en avant. Fait que c'est vraiment, comment je pourrais dire, le party pong à assez ce moment-là. Rapide, ouais. Et voilà, exactement. Après ça, avant le show d'humour, bien évidemment, il faut le vider. Puis après ça, ceux qui ont participé à une joke, une bière et au salon ont priorité pour rentrer aussi. Fait que c'est un autre plus de pouvoir participer à cette activité-là. T'as priorité sur les entrées pour le show d'humour le soir. Justement, show d'humour. Qui était au show d'humour hier, Chamina? Tu vas te faire de moi ce matin. Tout d'abord, on avait Jessie qui était animateur. Après ça, on a eu François Tousignan. Il y avait Julien, malheureusement, nom de famille. Demain, pose-moi la question demain. Rosalie, puis il y avait Charles aussi. Est-ce que j'en oublie un? Mehdi! Le seul, je connaissais son nom hier. C'était repris. Et voilà. Donc ça, c'est la journée d'hier, le lundi, premier jour du carnaval. Ça continue aujourd'hui, mardi, évidemment, avec les cafés Baileys. Et oui, puis ils sont bons en plus. Là, aujourd'hui, ça commence. On va y aller maintenant. Ouais, c'est ça. Meilleur qu'hier, c'est ça. Après ça, la côte redescend avec des activités plates avant le café Baileys. Ben non, parce qu'on s'en va dehors aujourd'hui. Ah. Aujourd'hui, on commence avec les sculptures de neige à l'ère des Patriotes, c'est-à-dire juste à côté du 10-12 à l'extérieur. Mmh. Après ça, c'est les jeux gonflables dans le CAPS. Puis les jeux gonflables, on en a un qui a... c'est plusieurs personnes en même temps. Comme un... 6 personnes en même temps, c'est ça. Donc, ça va être 6 assauts différents qui s'attaquent en même temps. Ça va être quelque chose, ça aussi. Il y a de la place pour le monde qui va venir assister, il va y avoir des petites estrades. Après ça, c'est le bain de neige avec le gif de Vidéotron. Donc, beaux souvenirs en maillot de bain avec les jambes pleines de sang à cause de la neige qui se scratche, ça va être parfait. La course de bolide, après ça, à l'extérieur, entre le CAPS et la chasse-galerie, bien évidemment, casque obligatoire, je le rappelle. Après ça, on déménage à la chasse-galerie pour les défis T'es pas game, qui est toujours plaisant à regarder, ou bien dégueulasse, ça dépend dans quelle catégorie qu'on se place, mais ça c'est tout le temps très drôle. J'ai sinon, après ça... T'as déjà vu ça, T'es pas game? Est-ce que t'as déjà vu? Ben, je l'ai fait l'année passée, c'est moi qui l'animais. C'est quoi le pire, mettons, que t'as vu? Écoute, l'année passée, j'ai fait sniffer du bouillon de poulet à une fille, j'ai fait avaler des œufs crus, il y a un gars qui s'est mis des épingles à linge le plus possible sur le chest en 15 minutes. La moutarde, quelque chose de la moutarde? La moutarde, se brosser les dents avec la moutarde. Ouais, tu sais, c'est... Wow. On a des langues de porc qui, malheureusement, sont toujours dans notre locker, qui n'ont jamais été ouvertes. On va peut-être les sortir cette année, Dieu sait. Puis après ça, on a le Lip Sync Battle, qui est une nouvelle nouveauté cette année, en référence à... À Joël Legendre. Et voilà. On a la petite nounou de nounouche sur le bord du DJ aussi, donc... Comment tu fais quoi? La petite nounou de nounouche. La petite nounou de nounouche sur le bar du DJ. Ouais. OK, je connais pas ça. Non, mais dans l'émission, Oui. Parle pas pour Marcelle Dion même. Ben, elle fait on s'entend qu'elle fait la nounoune, là. Ouais. On s'entend. Elle a pas l'air très, très intelligente. Et voilà. Ouais. Moi, je regarde pas le show pour elle, en tout cas. Ça de même. C'est ça. Puis, il y a le dévoilement de la liste du même coup. La liste qui est une liste d'objets à retrouver. Une course au trésor, un peu. Si on veut, c'est jusqu'à jeudi matin pour les trouver. Ça passe de troll, si je peux le dire. Je le dis-tu comme il faut? Le troll, c'est ça. Moi, je me fais taper ses doigts les fois. Ça doit être mon accent drôme-de-villois, encore une fois. Ben, c'est mieux que l'accent de Caroline qui dit troll, j'imagine. Caroline dit troll. Troll. C'est drôle. C'est la prochaine drôle. Puis, quasiment une cinquantaine d'objets que les gens doivent trouver jusqu'à jeudi matin. Puis, ils vont se faire évaluer selon les objets. Puis, il y a des critères. C'est sûr que si on demande une Barbie de couleur noire... On a déjà eu coloré au Sharpie, malheureusement, ça passe pas. C'est pas une Bratz non plus, on veut une Barbie. Et voilà, t'as tout compris. Fait qu'il y a des critères, le monde pousse vraiment très loin. C'est vraiment plus pour rire puis avoir du fun que pour le sérieux de la chose, parce que malheureusement, il n'y a aucun sérieux dans cette activité-là. Non, ouais. c'est ce qui fait que c'est plaisant. Puis, bien sûr, en soirée, aujourd'hui, on finit avec Louis-Jean Cormier. Oui! À 21h au 10-12. Organisé par C'est Fou. Organisé par C'est Fou. Faut le dire, absolument. Hey, c'est super ça! Quelle belle journée! C'est une grosse journée! Ça arrête plus! Malheureusement, heureusement, il fait quand même chaud dehors. On va pas être désagréable. Il fait pas soleil pour l'instant, mais... Il est encore comme tôt. Le Dicaro dans son micro. Ouais, j'aime mais ça. Mais très éloigné. Ça m'apprendra de l'avoir ouvert, son micro. En plus que tu fais de l'écho. Pardon. Redis-nous troll, ça va être drôle. Troll. Troll. Troll. Troll. Troll. Troll. Troll. Troll. contrôle. Mais avec tout le respect du monde. Milena, on te reçoit tous les jours cette semaine. À 8h30. À 8h30. Avec mon café. Avec son café. Merci, Milena. Ça fait plaisir. Merci, Caroline. Plaisir, à la prochaine. Bon mardi du carnaval. Oui. Merci. Ah, on est rendu à la prochaine pause. Et au retour, on continue avec Gabriel Béhoud qui va venir nous parler d'improvisation. C'est dans quelques instants à Assemblage Requis. Restez là. J'ai hâte. Vous êtes assez fait, Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes à Assemblage Requis en ce mardi 26 janvier 2016 à Italia Baudin. Avec Mathieu Plante. Ça s'est mis à sortir le déjeuner dans le pavillon. Ah, oh, je sais, puis le café. Les toasts, je sais pas ce que c'est, mais j'en veux. Je vais en prendre trois de peu importe ce que c'est. Ouais. S'il vous plaît. Alors, quelques minutes, on va parler avec Gabriel Béhoud de la Luitre, parce qu'il n'y a pas eu de match hier soir. D'habitude, c'était à 20h, les lundis à la Chasse-Galerie. Cette semaine, c'est jeudi 16h au 10-12. Mm-hmm. Match spécial carnaval, donc on va un petit peu vous résumer de quoi ça va avoir l'air ce jeudi. Mais avant ça, on écoute un flashback d'il y a quelques mois. Voici nos amis de Yukon Blonde avec Saturday Night au 89 FM, c'est fou. Dive in the waters around. La pièce Saturday Night par Yukon Blonde, un classique des palmarès. C'était sur les palmarès cet été. Ça, c'est fou. 89 FM. Et à l'automne aussi. Oui. Maintenant, ben, je pense, en tout cas, avec 10 minutes de prévu de délai, on n'a pas Gabriel Béhoud, malheureusement, pour parler d'impro. S'il arrive, on le prendra plus tard à l'émission. Mais pour l'instant, la chronique bouche-trou par excellence s'appelle Son foutu palmarès. C'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et comme on fait cette chronique rarement de cette année, mettons, je choisis pas mal des sujets qui m'intéressent vraiment beaucoup. Par exemple, de la nourriture. Hein? Mm-hmm. Aujourd'hui, Tania, ça va être la liste de 12 machines distributrices de produits hétéroclites. OK. Les machines distributrices sont très présentes en Amérique du Nord. Elles sont remplies de collations et de boissons qu'on consomme sur le pouce. Hein? Mais à travers l'histoire, les gens ont utilisé des machines distributrices pour acheter et vendre des choses assez non orthodoxes. Hein? Assez loufoques. Assez loufoques, que ce soit des fruits de mer ou des repas chauds. Donc voici quelques-unes de ces machines-là. Commençons par justement des repas complets. Hein? Ça a débuté à Philadelphie en 1902 à la compagnie Horn & Hardart, hein, qui était au sommet à cette époque-là de la restauration rapide. Ouais. Ça servait environ 800 000 personnes par jour. Wow. Ils ont emprunté une idée d'une chaîne de restaurants allemande. La chaîne opérait ce qu'on appelle les automates, qui étaient opérés par des pièces de 5 cents. Donc des self-acting vending machines, donc des machines distributrices qui agissent d'elles-mêmes. Avec des portes que les gens avaient simplement à ouvrir pour aller chercher leur repas. Il y avait différentes options comme des tartes, des pâtés, des gâteaux derrière différentes portes pour que les repas soient personnalisables. Et les travailleurs affamés pouvaient prendre un repas chaud sans avoir à attendre en ligne dans une cafétéria. Les machines étaient aussi utilisées pour vendre d'autres produits comme des bas de nylon et des bikinis. Le dernier automate aux États-Unis a fermé en 1991, mais on peut encore en trouver aux Pays-Bas et en Espagne. Très intéressant, je trouve ça. Ouais, vraiment, 5 cents pour un repas complet. Vraiment, hein? C'était pas cher. À l'époque, là, évidemment, l'argent a changé. Oui, oui, évidemment. Allons-y avec la pizza chaude maintenant. De la pizza chaude en machine distributrice, c'est évidemment en Italie. Hein? Évidemment. Donc, un entrepreneur, ben oui, voilà. Un entrepreneur italien nommé Claudio Torrelli qui a décidé que le monde avait besoin d'une machine qui pouvait fabriquer, donc cuire de la pizza en quelques minutes. Donc, il a développé ces machines qui s'appellent Let's Pizza. Il y avait 4 types de pizzas desquels choisir et les clients pouvaient regarder le processus et avoir une bonne tarte chaude environ en 2 minutes et demie. La rumeur dit que ça va apparaître à l'extérieur de l'Italie, donc aux États-Unis dans un futur plus ou moins rapproché. Mais pour l'instant, il faut aller en Europe pour en acheter. Hey, je regarde, là, j'attends. Là. La petite vidéo, tu regardes là, le processus. Oui. Se faire. Ouh, il y a vraiment comme une pâte qui, okay. qui cuit, là. C'est la sauce, c'est le pepperoni. Les options, ben, je vois entre autres pomodoro. Oui. Et farcitura. Donc, croûte farcie, j'imagine. Sûrement. Farcitura, je sais pas. Ça me semble bon. Ça a l'air vraiment écœurant. Bref. Ah, ensuite... puis elle tombe en plus dans du carton, là. Tu sais, ah, livré. Pas... Ouais. Ben oui, bien livré. Prête à être livré chez vous par vous-même. Ensuite, toujours dans le palmarès des machines distributrices bizarres de l'eau bénite. Ah, ben oui. Ah, ouais, donc les machines distributrices existent depuis environ le 1er siècle. Et selon Smithsonian.com, la plus vieille machine distribuait de l'eau bénite, inventée par Hero of Alexandria. La machine était opérée par des pièces de monnaie, fonctionnait avec un système de levier. Ceux qui voulaient de l'eau bénite inséraient une pièce de 5 drachmes. Et ensuite, cette pièce-là appuyait sur. La pièce, dans le fond, tombait sur un levier de métal attaché à une corde branchée dans une réserve d'eau bénite. Donc, l'eau bénite spécifique se versait jusqu'à ce que la pièce tombe en bas du levier. Les historiens croient que la machine a été inventée parce que les gens prenaient plus d'eau bénite que ce pour quoi ils payaient. Ah, oh, ah les ouais. Les gens trichaient, en prenaient plus que ce que le montant permettait. Hein? Hmm. Pour en mettre sur le front de plus de monde, pour bénir plus d'affaires. Ensuite, c'est les burritos. Hein? En 2014, une compagnie nommée The Box Brands a commencé à tester des machines distributrices de burrito à Los Angeles. Contrairement à la machine Let's Pizza de tout à l'heure, les boîtes étaient livrées dans le fond. Non, les boîtes, les distributrices livraient des burritos emballés. Mm-hmm. Donc, ça ne montrait pas aux clients comment c'était fait. À la place, les machines distributrices jouaient un vidéo, donc un vidéoclip de musique. Ouais. Et faisaient tomber la nourriture lorsqu'elle était cuite. Dans la petite vidéo sur assemblagerequis.com, un blogueur, une blogueuse, on ne sait pas, le nom est applicable aux gars comme aux filles, Leslie Bala, et le fondateur de Midtown Lunch, Zach Brooks, se demande si Burrito Box était juste un gros micro-ondes géant ou s'il y avait des bras robotisés qui faisaient un burrito à partir de zéro. La conclusion dans la vidéo, c'est que c'est la première option. C'est comme c'est un micro-ondes. Gros, ouais. Ouais, donc les burritos goûtent meilleur que les burritos qu'on trouve dans les stations-service aux États-Unis. C'est très populaire dans les quartiers latinos. Mais donc, c'est pas mal un gros micro-ondes. Mais bon. Ah, c'est si triste. Si le burrito est bien fait, que ce soit micro-ondes ou pas, c'est pas grave. Je trouve. Ouais. Si la nourriture est bonne, tu sais. Si elle a été faite correctement au départ. En tout cas, bref. Oh, mais contrairement à la machine à pizza. À pizza, là, c'est totalement différent. C'est un autre monde. Ben, tu sais, c'est en Italie, l'autre. Hein? Ouais. Les standards sont pas mal élevés en Italie côté nourriture. C'est vrai. Que j'entends dire. Ensuite, toujours dans le top des machines distributrices bizarres, c'est des crabes vivants. Hein? Qui a besoin de liqueur, de boissons gazeuses, de collation quand on peut se prendre quelques crabes vivants dans une machine, hein, en revenant du travail? Ben oui, évidemment. C'est où, ça? En Chine, cher. Ah, évidemment. En Chine, les machines sont maintenues à une température qui garde les crabes vivants, mais un peu lents d'esprit, genre. Ils sont un petit peu amorphes. Les créatures sont emballées dans un contenant breveté qui les empêche de bouger, et c'est plus facile de les gérer, de les bouger nous-mêmes, les transporter. En date de novembre 2010, selon Associated Press, les propriétaires de ces machines-là en vendaient environ 200 par jour dans chacune de leurs deux machines. Ha! C'est pas beaucoup, mais au moins, ça existe, hein? Hey, 200 crabes par jour, c'est beaucoup? Tu trouves? Dans une machine distributrice, je sais pas. Ah, ben quoi que j'avoue que, étant donné qu'ils sont quand même gros, les crabes, ça prend de la place pour recharger la machine plusieurs fois, j'imagine. C'est ça. T'as raison. Je retire mon opinion. De vider sa machine chaque jour, mettons? Probablement. Au minimum, au fond. Ça m'écœure un peu. Ouais. Ensuite, c'est un service de patates 24 heures. Oh, cool. Tu sais, en tout cas, mes grands-parents mangeaient beaucoup de patates. Sûrement les vôtres aussi. C'était quand même un aliment nécessaire à la vie. De nos jours, je mange des patates pas mal souvent. Tellement que c'est rendu le fun quand j'en mange. Ah ouais? Je sais pas, toi, les patates, tu manges ça souvent? Je dois avouer que, ouais, non, j'en mange pas souvent. Ouais. Ma mère est une grande amatrice de patates. Ah, oh, oh. Patates pilées, patates au four, je te jure, elle tripe ses patates. Patates à crème sûre. Patates à crème sûre, et là, si tu l'as avec la patate à crème sûre. Hey, ben là, qui n'est pas convaincu par la crème sûre, hein? Mon père aime pas tant les patates. Ah! OK, ouais. Les patates, OK, je pensais me dire la crème sûre. Parce que la crème sûre, c'est bon sur tout. Ouais, c'est vrai, la crème sûre, c'est bon sur tout. Des jujubes trempés de la crème sûre, c'est que je prendrais ça. Tu es enceinte, Mathieu? Peut-être. Je suis veux-tu qu'on en parle? Je suis constamment enceinte. Donc, on était en train de parler d'un distributeur à patates, hein? 24 oui. heures, l'épicerie. Hein? C'est trop mm-hmm. difficile d'aller à l'épicerie pour aller chercher des patates. Hein? Mm-hmm. Au début des années 60, une petite boutique de Chelsea à London, Londres, a amené la première machine distributrice pour des sacs de 20 livres de patates, des patates de haute qualité, lavées et pré-emballées. Hein? Donc, la machine est devenue assez populaire. Selon le journal français Courrier Picard, une machine similaire a été installée dans la commune de Nouvion par deux fermiers. Et ça a eu beaucoup de succès en 2014. Mmh. C'est dans notre siècle. Hein? Numéro 7 des machines distributrices bizarres selon mentalfloss.com, c'est des bananes. Hein, les mots fruits frais. Ah, tu sais quoi? Je pense que j'aurais genre acheté une banane. Ben, pour vrai. Dans une machine distributrice. Pourquoi pas? Ouais. Bref, on n'associe pas fruits ou légumes frais à des machines distributrices parce que ça prend beaucoup de travail pour empêcher les produits de périr. Mais à l'été de 2010, Dole Japon Limité a installé une machine distributrice de bananes dans une station-service de Tokyo. Selon Getty Images, il y a 5 millions de machines distributrices au Japon, donc une qui vend des fruits pour environ 1,50$ chaque n'a pas l'air si bizarre. Hey, hein? 1,50$ la banane, combien il coûte à la cafétéria de l'université, tu sais? Je pense que c'est 2$. Tu vois, ça fait fou, là. Numéro 8, des baguettes. Baguettes de pain. Des baguettes de pain. Baguettes de pain. Il y a un petit peu plus d'une décennie, le pâtissier Jean-Louis Hecht et sa femme se sont tannés des clients qui se présentaient à sa pâtisserie qui était en dessous de chez eux, donc ils habitaient en haut d'une pâtisserie, mm-hmm. pour essayer d'avoir des baguettes après l'heure de fermeture. Toc, toc, toc à la maison des employés. Est-ce que vous pouvez me donner une baguette? Non, on est fermé. Après avoir développé l'idée pendant plusieurs années, Hecht a amené à la vie cette machine et ça a été reconnu partout dans le monde en 2011. C'est la machine Penny Vending qui fonctionne 24 heures par jour et ça prend des baguettes partiellement cuites et ça les finit en quelques minutes, un peu comme à l'épicerie, les baguettes qu'on met dans le four là, rapidement, ça prend 5 minutes puis c'est cuit. Elles sont comme pré-cuites mais congelées. Donc dans ce cas-ci, j'imagine qu'ils sont peut-être pas congelés mais quand même partiellement cuites. Donc pendant que le client attend. Selon NBC News, la première machine a coûté à Hecht 71 000 $, mais dans son premier mois, il a vendu 1 600 baguettes et en juillet de cette année-là, ses ventes ont augmenté jusqu'à 4 500. Il a aussi gagné le prix President of the Republic pour le concours L'Épine de 2014 à Paris. Félicitations, j'adore ça. J'avoue. Si j'avais ça à côté de chez nous, je te jure, j'aurais une baguette par jour. Ouais, ouais, non, c'est... Oh, c'est pas bon, ça! Non! Ben, c'est bon en titi, mais c'est pas bon. Non. Des baguettes de pain, ouais, c'est non. Rempli de quoi? De glucides? De glucides. Ensuite, toujours dans le palmarès des machines distributrices bizarres, du caviar. Ah! Oui, chaque point de prix, disons, il y a plusieurs variétés de caviar, entre 5 et 500 $. La compagnie Beverly Hills Caviar a installé une machine distributrice de caviar à Los Angeles dans un centre d'achat pour donner à ses clients l'opportunité de manger des œufs de beluga. Sans yeah. avoir, oui, c'est ça. Tout en magasinant des cadeaux peut-être pour leurs êtres chers dans un centre d'achat. Cette machine fabriquée spécialement garde les œufs très très froids et ça contient entre environ 50 000 $ de nourriture luxueuse. Selon un reportage de CNN qui est sur assemblagerequis.com, on dit que c'est très accessible et très pratique. Certains magasineurs interviewés ont dit qu'ils ne mettraient jamais 500 $ dans une distributrice. Ça coûte 500 $! Ben, c'est ça, c'est qu'il y a des une échelle de prix, comme je disais en début de paragraphe, ouais. Entre 5 et 500 $. Donc, tu peux vraiment prendre la qualité de caviar que tu veux et vous pouvez les appeler au 877-55-6677. Ouais, c'est ça. Ensuite, OK, ça, c'est pas de la nourriture, mais quand même, c'est une distributrice de crayons, ben ouais. Stylos, à billes. C'est drôle. Rétractable. Hein? Rétractable. Bref, des fois, on a besoin de nouveaux crayons rapidement, un nouveau stylo. Et la nouveauté du moment, à l'époque, était d'insérer un 25 cents, de tirer sur un levier pour avoir un crayon stylo. C'était 25 cents au milieu des années 1950. Ça fait 2,20 $ lorsqu'il est ajusté pour inflation. Sur eBay, ces drôles de créations de marques comme Vendorama et Ride Master se vendent pour plusieurs centaines de dollars aux collectionneurs. Donc, on insère la pièce de monnaie 25 cents seulement et puis on tire sur le levier. On pousse le levier vers le bas. Voilà. Click it right, click it retracts. Donc, click it, écrit, click it, se retire. Ensuite, le distributeur de lacets de souliers. J'en aurais besoin fréquemment, ouais. Mais lacets de souliers finissent par casser avec le temps, tu sais. Donc, quelque chose de super simple comme une paire de lacets dans une machine, ça reste bizarre, mais la machine est faite en plus en forme de... voyons, comment t'appelles ça? À chaque fois, ce mot-là, c'est un mot que j'ai de la difficulté. Un phare! Oui, un phare! Un phare, parce que c'est tellement différent du mot anglais « lighthouse » que le c'est mot « phare » ne vient pas naturellement. Une maison de lumière! Ben oui, c'est ça. On dirait une chanson de genre... je sais pas, Céline Dion. Une maison de lumière! Ah ouais? Je trouve. Donc, Live Auctioneers liste ça sur son site web, ne révèle pas beaucoup de choses sur son histoire, mais d'autres en cachent chez Natural Tip, par exemple, dit que la marque de souliers vendait aussi la machine, et on confirme que la compagnie était active dans les années 40, mais on dit pas si c'était situé dans une ville où il y avait peut-être des phares, peut-être que c'est pour ça que c'était un distributeur en forme de phare, ou encore l'endroit où les phares étaient populaires. Ensuite, toujours dans le palmarès des machines distributrices les plus bizarres, on arrive au dernier, des œufs frais. Oui. Ouais. Donc, autant que les machines à bananes étaient bizarres à Tokyo, des œufs frais dans une machine, on dirait quelque chose d'impossible. Sinon, mais j'avoue même que pour déjeuner, t'as besoin d'œufs rapidement. C'est tu ne présentes pas à l'épicerie, tu vas à ta distributrice. Donc, évidemment, ça pourrait faire des dégâts. C'est au Japon. Encore une fois, ça n'a pas mal le choix. Selon le Glum Egg Ranch en Californie, la première machine distributrice d'œufs a été fabriqué par un fermier nommé Marvin Glum. Et les clients aujourd'hui à l'extérieur de la ferme de Glum peuvent voir un poulet animé lorsqu'ils insèrent leur pièce de monnaie. Donc, un petit poulet qui s'anime sur un écran. Et après ça, ben, tes œufs sont stylés. Ah, mais c'est bien fait, hein? Les œufs, ils sont dans un petit sac. Ah, dans un petit sac que tu peux traîner, une petite oui. pochette. Ben oui, j'avoue comme que... comme un sac d'oignons, en fait. C'est mieux que demander aux gens de les prendre un par un dans leurs mains, hein? Ouais. Pas mal mieux. Oh, parce qu'il y en a pas mal, là. Voilà, donc c'est le palmarès des machines distributrices les plus bizarres. On va continuer parce qu'on a encore du temps. Mm-hmm. Allons-y avec un autre palmarès complètement différent cette fois-ci, de 10 objets que des vedettes ont amenés dans leur tombe. Ah ouais? En Égypte, à l'époque, c'était on se faisait enterrer avec des artefacts qui voulaient dire quelque chose pour eux. Donc le rituel existe toujours aujourd'hui, mais nos raisons de le faire sont différentes par rapport aux Égyptiens. Eux croyaient que les morts auraient besoin de ces articles-là dans leur après-vie, si on veut. Alors que de nos jours, c'est fait pour être un hommage à la personne décédée. Donc voici 10 vedettes. En tout cas, 10, je vais peut-être en sauter quelques-unes si on les connaît moins. Là. Mais une dizaine de vedettes qui ont amené quelque chose dans leur tombe. Commençons par Frank Sinatra. Une bouteille de Jack Daniels. Une bouteille de Jack Daniels. Donc il y a eu une histoire d'amour avec Jack Daniels pendant toute sa vie. Il prenait deux, il appelle ça deux doigts ouais. de Jack Daniels avec un petit peu de glace et un petit peu d'eau. Oh. Il prenait ça souvent. Okay, donc, il prenait son whisky sur eau, lui. Sur eau et sur glace, c'est ça. Sur eau, sur glace. Juste okay. un petit peu d'eau. Donc, la famille de Sinatra trouvait que ce serait une bonne idée de dire au revoir à Old Blue Eyes avec une flasque de Jack Daniels pour la route. On dit aussi qu'on lui a laissé un rouleau de 10 cents, juste au cas où il avait à faire des téléphones de l'au-delà. Parce qu'à l'époque, les téléphones coûtaient juste 10 cents. Hein. Bon, ça, il doit être rendu pauvre. C'est ça. Ensuite, numéro 2. L'acteur Tony Curtis. Et c'est un iPhone! Ouh! Et c'est un iPhone! donc, sa famille pensait la même chose que Sinatra. Lorsque l'acteur est mort en 2010, il a été enterré avec son iPhone. Un chapeau Stetson, des gants de conduite pour la voiture, une copie du livre Anthony Adverse, le roman qui a inspiré son nom de scène, parce que ce n'est pas son vrai nom, Tony Curtis, apparemment. Mm-hmm. Ensuite, on retourne vraiment loin dans le passé, mais Humphrey Bogart. On n'a pas le choix de le faire, c'était l'acteur préféré de mon grand-père. Ah! C'est un sifflet en or. Oui, dans son premier film en 1944, Lorne Bacall disait à Humphrey Bogart, « You know how to whistle, don't you, Steve? » Donc, tu sais comment siffler, n'est-ce pas, Steve? « You just put your lips together and blow. » Donc, tu mets finalement, des lèvres ensemble. Finalement, la tune, elle vient de là. « Just put your lips together. » Quelle chanson, donc? « Can you blow my... » OK, OK. C'est ça. ouais, donc tu mets tes lèvres ensemble et tu souffles, mais souffle en anglais peut vouloir dire plusieurs choses. Ouais, c'est ça. Donc, à quelque part, pendant leur aventure amoureuse, Bogie, comme on l'appelait, Humphrey Bogart, bien sûr, a donné à Bacall, un petit sifflet doré pour rendre hommage à leur rencontre. Lorsqu'il est mort en 1957, ça a été enterré avec ses cendres. Bacall, lui a fait graver la phrase dessus. « If you want anything, just whistle. Si tu veux quelque chose, siffle-moi. » Oh. C'est vraiment cute. C'est vraiment cute. Ouais. OK, mais j'ai un faible pour Humphrey Bogart. Quand même. Ensuite, l'artiste Roald Dahl. Lui, c'est plus compliqué. Est-ce que tu veux le dire? Ben, il y en a plusieurs, en fait. Il y en a plusieurs? Et c'est toi. OK. Bien, je connais pas le premier, non. Moi non plus. OK. c'est des crayons HB, là, ouais. comme des crayons... plomb. De plomb, merci. Ouais. Une chaîne. Une scie. Une scie à chaîne. À chaîne, je crois, ouais. Du chocolat et du vin rouge. Voilà. Lorsque l'auteur pour enfants est décédé en 1990, sa famille s'est assurée qu'il ait toutes ses choses préférées avec lui, donc ses crayons HB, les instruments qu'il a utilisés pour écrire presque tout ce qu'il a écrit, et le reste, comme t'as dit, la Power Sauce, c'est un peu bizarre. Ouais, hein, c'est vraiment bizarre. Ben, c'est peut-être pour défaire le comment t'appelles ça? Du ce dans quoi on t'enterre? Ton cercueil! Voilà, merci, ah, cercueil. Ah, peut-être, ça a peut-être. Du sens. Ça a bien du sens. Ensuite, Leonard Bernstein, l'auteur de Alice au Pays des Merveilles. Non, pas ça, c'est pas ça, c'est pas l'auteur. Attends un peu. On va lire l'article à la place. Donc, il était enterré avec une copie de Alice au Pays des Merveilles, mm-hmm. en plus de son bâton. C'était un chef d'orchestre. Donc, son bâton et les feuilles de la 5e symphonie de Mahler. Leonard Bernstein a été enterré avec une copie du livre qu'il amenait avec lui toujours en voyage, Alice au Pays des Merveilles par Lewis Carroll. Voilà. Juste pour m'assurer que je dis pas n'importe quoi sur Leonard Bernstein, compositeur, chef d'orchestre et pianiste américain. Ensuite, allons-y avec... Ah oui, tiens, c'est un musicien, Ronnie Van Zant. Oui. De Lynyrd Skynyrd. Eh bien, lui, il s'est fait enterrer avec un pôle de canapèche. Ouais. Ainsi que son chapeau, son fameux chapeau noir. Oui, sa marque de commerce. Donc, oui. un accident d'avion tragique a pris la vie de Van Zant et Steve Gaines de Lynyrd Skynyrd. Van Zant a été enterré, comme tu disais, avec son chapeau noir de Texas Hatters et sa canne à pêche préférée à ses côtés. Ah, celui qui jouait Dracula, je crois, le plus célèbre à avoir joué Dracula à travers l'histoire, Bela Lugosi, a été enterré avec... Une cape de Dracula! Voilà, le mot-clé, évidemment, c'est... Une cape de Dracula et non pas la cape ouais, de Dracula. En effet. Avant sa mort en 1956, Lugosi a donné sa cape préférée et célèbre à sa femme. Il lui a demandé de la garder pour son fils, ou leur fils. La famille a décidé que Lugosi devait être enterré avec son costume, par contre, et donc ils lui ont envoyé avec une version plus légère de la cape qu'il portait pour les apparitions en public. Mmh. La vraie cape n'a pas réussi à être vendue lorsqu'elle a été mise aux enchères en 2011. C'est triste. Le fils a vendu la cape de son père? Il y a quelque chose là-dedans. Quelqu'un est mort là-dedans, puis la cape n'a plus... C'est clair, là. Bref, l'histoire doit être plus compliquée que ça. On n'a pas le choix d'y aller. En fait, je pense que je ne sauterai pas personne. Bob Marley. Eh bien, il a été enterré avec sa Gibson rouge. Oh oui. Ainsi que du pot. Est-ce que ça surprend quelqu'un? Donc, il y a eu plusieurs questions. Les gens se sont demandé vraiment avec quelle sorte de guitare Marley avait été enterré. Un témoin oculaire à la première personne dit que c'était sa Les Paul rouge. Gibson Les Paul rouge. La même personne dit que la veuve de Marley a mis un petit peu de ganja avec lui avant que le cercueil soit fermé. Et du ganja, c'est du pot. Du ganja, c'est du pot. Andy Warhol, ensuite. Il s'est fait enterrer avec des magazines Interview et une bouteille de parfum Estée Lauder. Wow! Donc, les articles de Warhol n'étaient pas sanctionnés par la famille, donc c'est pas approuvé. À la place de son cercueil, lorsqu'il était en train de descendre dans le sol, son ami de longue date, Paige Powell, a couru. Et a lancé des magazines, comme tu l'as dit, une bouteille de parfum Estée Lauder Beautiful dans le trou. Pas dans le cercueil nécessairement, ouais, c'est dans ça. Le trou. La signification du parfum n'est pas connue. Warhol a même porté des fragrances pendant 3 mois et ensuite il les cataloguait pour se souvenir de certaines périodes de sa vie par odeur. Hey, c'est une maudite bonne idée, ça. Il changeait d'odeur aux 3 mois. Peut-être que... Elle l'a connu puis il portait du Estée Lauder. Peut-être, mais peut-être c'était qu'ils ont eu une ouais, peut-être qu'ils ont eu une aventure et il portait du Estée Lauder. Ah, j'avoue que celle-là m'intrigue pas mal, c'est bien intéressant. Et les magazines Interview, c'était des magazines que Andy Warhol lui-même collectionnait, apparemment. Oh. Et pour terminer l'histoire, c'est Elizabeth Taylor qui s'est fait enterrer avec la dernière lettre d'amour de Richard Burton. L'affaire, encore une fois, entre Taylor et Burton était bien connue à l'époque. Leur lettre d'amour était citée dans différentes biographies. Celle-là, par contre, elle l'a gardée pour elle. Écrite 3 jours avant sa mort, la mort de Taylor, évidemment. Taylor a reçu, c'est ça? Oui. Non, je m'excuse. 3 jours avant sa mort à lui. Ah oui, before Burton. He died. Donc Taylor a reçu la note lorsqu'il est arrivé à la maison après la funéraille, les funérailles de Burton. Elle l'a gardée à côté de son lit sur sa table de chevet, quelque chose genre, pour le reste de sa vie à elle. Et elle a été enterrée avec la lettre à lui, selon sa demande à elle. Elle, voilà. Il est décédé avant elle, voilà. Voilà, les il et les elle à remettre dans l'ordre. Je crois que je l'ai fait correctement. Allez voir le reste sur... il n'y en a pas d'autres. D'habitude, j'en saute, donc je suis habitué de dire le reste sur assemblagerequis.com, mais ils sont tous là dans l'article qui s'appelle « Les objets que 10 vedettes ont amenés dans leur tombe ». Voilà. C'est bien, hein? Ça nous amène exactement à l'heure prévue pour passer à la prochaine pause. Au retour, ce sera notre ami Louis-Philippe Quentin pour la chronique du journal Zone Campus. C'est Assemblage Requis jusqu'à 9h30. Vous êtes assez fou. 89.1 Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Requis pour toi, oh oh oh, aujourd'hui. Assemblage Requis pour toi, oh oh oh, aujourd'hui. Bon retour toujours à Assemblage Requis. Le public en studio peut applaudir s'il veut, vraiment. Yeah. En ce mardi 26 janvier 2016, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, voici qu'il arrive, comme une fois ou deux semaines, pour parler d'actualité locale, hyper locale, sur le campus. Voici Louis-Philippe Quentin et la chronique du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Louis-Philippe Quentin, rédacteur en chef, est avec nous. Bonjour à toi. Bonjour Mathieu. Hello, hello, hello. On se retrouve comme ça pour parler vraiment de nouvelles qui nous touchent. En tout cas, si ça ne vous touche pas, sachez que ça vous touche par la bande. Puis quand on parle de se toucher par la bande, ça fait louche. Effectivement. Ah, on va y venir plus tard. C'est un avant-goût de ce qui s'en vient plus tard dans le numéro. Prédiction de l'avenir. Commençons voilà. par les actualités dans ce numéro qui sort aujourd'hui le 26 janvier avec Tribune Libre qui avait lieu jeudi 21 janvier dernier. Voilà, donc petit retour rapide. Donc le jeudi 21 janvier, effectivement, qu'il y avait une tribune libre sur le port, en fait, des signes religieux chez les employés de l'État. Donc, sujet chaud depuis... Belle lurette, voilà. Donc, le sujet, évidemment, est encore débattu sur plusieurs scènes universitaires. C'était le cas également à l'UQTR. Entre autres, Jamila Benhabib, qu'on connaît bien dans la région, qui participait à ce débat-là. On se posait des questions par rapport au port du symbole religieux. Est-ce que la femme dans son lieu de travail qui porte le voile, est-ce que c'est respectueux pour ses collègues? Est-ce que les collègues sont respectueux de vouloir refuser la chose? Donc c'est des questions qu'on se posait dans ce débat. Tribune libre en page 2. Voilà. Moi j'imagine quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un qui a un voile va dire je laïcité. Du genre à porter un poil. J'ai vraiment essayé ça. C'est le cité à la fin que j'ai de la misère à placer à quelque part dans un jeu de mots. Ensuite, le mot de la rédaction est par Alexandra Lemire, ta collègue rédactrice adjointe qui nous parle d'un journal de contribution. Voilà, exactement. Donc, un journal de contribution parce que on parle de localité. La communauté écrit dedans. Voilà, exactement. Ça résume tout. Une innovation à l'UQTR, c'est francophone avec un F. C'est une nouvelle application pour améliorer son français sur téléphone. Voilà, application très intéressante, mise au point, entre autres, par André Bougaïef. Plusieurs étudiants de l'UQTR l'auront eu, entre autres, par exemple, dans le cours de technique de rédaction. On sait que c'est un professeur du département de lettres qui est très apprécié. Donc, il a monté, comme tu disais, Mathieu, une application pour aider à améliorer son français. Ce qui est le fun, c'est que ça s'adresse, aux gens qui veulent apprendre le français, donc... les gens qui ont le français comme langue seconde, par exemple, mais aussi pour nous, bon francophones, qui souvent ont des difficultés avec cette langue si complexe et si belle. Donc, André Bougaïef, professeur au département de lettres, qui va nous aider de ce côté-là. L'application coûte 3,49 puis toutes les sommes qui sont amassées par l'application en soi sont redistribués dans le projet. Bonne idée. C'est bien. Donc, question d'améliorer la chose, de la rendre plus interactive. Je crois que j'ai pas vu de quoi elle avait l'air, mais je sais que c'est sous forme de jeu. Souvent, c'est assez ludique comme application. Il y a même une portion prononciation. Okay. Il y a un travail sonore de la chose aussi. Ça me semble vraiment complet, sincèrement. Une leçon complète sur le nom d'André Bougaïef pour se rappeler comment l'écrire. Bougaïef. Bougaïef. concours d'affiches scientifiques 2016. Vulgariser la recherche scientifique. Donc, exactement, Mathieu. 22-23 mars prochain au Centre d'activité physique et sportive. CAPS. Se déroulera un concours scientifique quelconque dont je lis le nom actuellement. C'est le concours d'affiches scientifiques. Ben en fait, faut remettre des affiches pour ce concours-là jusqu'au 29 février. Okay. Et cette journée-là, en fait, on va, j'imagine, choisir qui gagnera le concours. Voilà, voilà. Ensuite, on a quelque chose de spécial, c'est quelque chose qui n'est pas récurrent pour l'instant. En tout cas, c'est la première fois que je vois quelque chose du genre dans la zone campus, mais c'est une super bonne idée. C'est un reportage, en tant que tel, un vrai reportage de fond. Un vrai de vrai. Un dossier sur l'anxiété à l'université. Évidemment, parce que ça touche énormément d'étudiants, peu importe les universités, même dans les cégeps, même dans les écoles secondaires. L'anxiété par rapport aux mauvaises notes, par exemple, donne des sueurs froides à bien des gens. Marie-Pierre Pruneau, nouvelle journaliste aux Ondes Campus, a décidé de s'attarder sur le sujet. Très intéressant parce qu'elle a rencontré des étudiants, mais aussi médecins et psychologues. Ah. Donc, on a le point de vue de plusieurs personnes à ce sujet-là. C'est ça, un dossier de fond. Voilà, exactement. Ouais. Une bonne recherche. Elle a gratté le bobo. Voilà. Petite photo aussi. Oui, exactement. Oui, ben, la photo pour ceux qui s'intéressent, qui vont se procurer sur le campus plus tard aujourd'hui. Non, vous n'êtes pas obligés. La photo de ce dossier-là, c'est Tania qui se pogne la tête. Ouais, et voilà. Mais on la voit juste de dessus, d'en haut. Ouais, faut savoir que c'est ma tête. C'est ça. Ou mes mains, un des deux. Sachez-le. Ou encore, regardez de très très près, il y a une carte d'affaires sur le campus en dessous de son clavier. Voilà. Donc, Tania mannequin de l'anxiété. Ouais, voilà. Dans le zone campus. Tu me sembles pas tellement anxieuse ce matin. Pas tellement, non. C'est une bonne nouvelle. J'ai bien joué la comédie. C'est ça. Si j'étais mauvaise langue, je pourrais dire que tu bois tes problèmes away. En café, oui, parce qu'on voit que comme des cafés. Est-ce qu'il y en a comme 15, comme d'habitude, sur ton bureau? Il y en a comme 15. Il y en a plein, c'est vrai. C'est malade. OK, allez voir ça. C'est dans un campus. Il y a exactement 4 cups à café sur la photo. Tous différents. À place de faire un trouver les 7 erreurs, ça va être trouver les 7 tasses de café. On reste en actualité avec l'éditorial, bien sûr, de Lucas Hubert. C'est un nouveau depuis le dernier numéro. Donc, c'est son deuxième éditorial. Deuxième éditorial. Cependant, oui. C'était notre reportage. Oui, mais son nom, c'était pas reportage. C'était quoi son titre de chronique? C'était quoi, là? Je crois que c'était le reportage, Mathieu. Non, pas sûr que non. Il y avait d'autres choses. Point, point, point. On ira vérifier. C'est plutôt flou dans ma tête. Ouais, c'est ça, déjà. Étrange. Bref, éditorial. François Juge de Blais. C'est une référence à quelque chose, là, avec un autre... c'était un autre... Attends un peu, c'était quoi? François... voyons. Elle faisait l'avoir, les gars. Je l'ai lu tantôt. C'est ça, c'est un pastiche de Rousseau, juge de Jean-Jacques. Voilà, le exactement. Gars, il y a tellement de connaissances... qui est capable de faire un pastiche dans son éditorial. Sincèrement, c'est un excellent pastiche. Ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai lu. Donc, un éditorial très intéressant de Lucas Hubert, qui, autrement dit, pour vous en lire un petit extrait, vous allez comprendre rapidement. Le jeune François, professeur de philosophie à l'Université Laval, on parle ici de François Blais, aujourd'hui ministre de l'Éducation, qui était autrefois professeur de philosophie à l'Université Laval, sommité mondial en matière de revenus minimum citoyens. Puis ensuite de ça, dans le fond, on a ce François Blais-là, et on a également le François Blais, aujourd'hui ministre de l'Éducation. Mmh. Puis Lucas, dans son éditorial, établit un dialogue entre les deux François Blais, les alter ego, puis montre un peu que la philosophie par rapport à l'éducation du François Blais, prof de philo, puis du François Blais, ministre de l'Éducation, a beaucoup changé. On a l'impression qu'il a peut-être vendu son âme ou quelque chose de même. Oh. Mais très intéressant comme dialogue. C'est à la fois humoristique et très pédagogique. Oui, voilà. Ben voilà. Et pendant que tu parlais un petit peu, j'étais en train de chercher sur Lucas Hubert. Et t'as raison, c'était un reportage. Il en a fait 6 jusqu'à maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc quand je dis que c'est nouveau, c'était pas nécessairement nouveau. Voilà. Ben, cette année. Tu me rassures parce que sinon j'aurais... trouvé que j'avais vraiment oublié tout ce que j'ai fait la session passée. J'aurais trouvé ça vraiment bizarre. C'est l'appellation au reportage que j'étais pas certain. Voilà, mais le look du reportage, disons, était différent de celui qu'on a dans le journal d'aujourd'hui. Continuons avec les autres chroniques qu'on a en actualité. L'Enverdeur, c'est la chronique environnementale verte. Le pétrole, laissons ce fossile au sous-sol. Voilà, donc sujet toujours d'actualité, évidemment, puisque le pétrole nous sert dans la vie de tous les jours pour bien des choses. Tous nos objets en plastique, c'est basé sur le pétrole. Évidemment, nos véhicules fonctionnent avec des énergies fossiles. C'est de ça dont nous parle Anthony Potier-Champagne, aussi connu sous le nom de L'Enverdeur. Oui. Il nous explique, j'ai trouvé ça très intéressant, que du pétrole, ils vont toujours en avoir, en fait. Il y a l'espèce de rumeur de connaissance sociale qui dit qu'on va manquer de pétrole à maintenant, puis que c'est pour ça qu'on devrait se tourner vers autre chose. Mais ce qu'il nous explique, c'est qu'avec la technologie, on va toujours trouver plus de pétrole, en fait. Ah, ouais. Mais qu'on risque de stanner avant de... d'en chercher d'autres. D'en chercher d'autres, exactement. Donc, c'est un peu... Ça éclaire un peu le point de vue là-dessus, puis ça brise un peu nos croyances populaires pour nous faire vraiment comprendre c'est quoi les enjeux face à ça. Même une citation très intéressante d'un cheikh arabe, d'ailleurs, mania du pétrole. Dans 30 ans, il y aura une quantité phénoménale de pétrole, mais aucun acheteur. Ah. Le pétrole sera laissé dans le sol. L'âge de pierre s'est terminé un jour. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait plus de pierre. Oh! Oh. Voilà. Hey, c'est fort, ça. Mm. Toujours en chronique, celle-là, pour vrai, cause des discussions sans cesse. C'est la petite vite. Un orgasme, s'il vous plaît. Oui, effectivement. Donc, vous avez remarqué, donc, depuis le début de la session, on a une chronique sexologie. Donc, cette fois-ci, c'est Marie-Ange Perrault qui nous présente une chronique qui parle de l'orgasme, mais aussi de l'orgaste. Oui. Donc, différence entre les deux, rapidement, c'est que l'orgasme réfère au plaisir émotionnel. Donc, certes sexuel, mais également émotionnel. C'est attaché à un sentiment, tandis que l'orgaste, c'est simplement la libération d'une pulsion sexuelle. Donc, c'est très intéressant de voir la différence entre les deux. Puis, évidemment, il y en a un plus bénéfique que l'autre. Il y en a un qui... Donc, je tiens à dire, j'ai raison de dire que... De... On t'écoute, on t'écoute. En sortant de la douche, là, en sortant de la douche, ouais. Là, vous utilisez un Q-tips, monsieur, pour enlever l'eau que vous avez dans vos oreilles? Non, t'es pas supposé utiliser le Q-tips. C'est pas bon c'est pour les tympans. C'est orgasmique, yeah. J'ai raison de le dire. Orgasmique d'utiliser un Q-tips? Ok, ah. Ouais. Vous enlevez l'eau de tes oreilles. Si ton oreille est une zone érogène, c'est mais ça. Mais non, parce qu'en théorie, c'est le plaisir. Ben, elle a pas tort, je pense, ouais. Ouais. Un orgasme auditif. Comme toi, quand t'écoutes genre de la musique, ouais. T'as sûrement un orgasme auditif. On pourrait appeler ça de même, ouais. J'imagine. Mais c'est un petit frisson. Ça me rappelle, j'avais déjà pogné une entrevue d'Edgar Fruitier. Vous savez c'est qui, Edgar Fruitier? Oui, c'est Monsieur Burr. Monsieur, oui, c'est Monsieur très intense, qui aime beaucoup la musique classique. Je me souviens que dans une entrevue, il parlait justement de genre d'orgasme auditif. Puis il disait que dans un certain moment d'intensité où il écoutait de la musique classique très fort, il enlevait son chandail et il se mettait à danser tout seul dans son salon. Ah, j'imagine tellement faire ben, ça. C'est ça, je trouvais ça très drôle d'imaginer Edgar Fruitier faire ça. Donc, oui, l'orgasme auditif existe probablement. Bon. Donc, c'est ça, c'est la chronique La Petite Vite. Ça revient à chaque numéro, mais avec deux personnes différentes de numéro en numéro. Voilà. On revient, on a fait les chroniques de la section actualité. Revenons à nos articles. Donc, élection à l'université, trois nouveaux membres au sein de l'AGEQTA parce qu'il y a eu encore plein de démissions. On en parlait dans les dernières semaines. Exactement. Donc, évidemment, l'AGE, comme d'habitude, qui se vire de bord rapidement. Samuel Plante, Laurence Véraud et Michael Saint-Pierre qui ont obtenu les postes de vice-présidence aux affaires sociopolitiques, la vice-présidence aux communications, ainsi que la vie associative et l'environnement, ainsi que la vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle. Donc, des gros postes. Ouais, important. Mais tout ça déterminé en CA et non pas par élection, comme d'habitude. C'est exactement. Dommage, c'est qu'ils prennent le poste là en janvier, février. Vont devoir faire une campagne au mois de mars pour être votés au mois d'avril, pour entrer en fonction au mois de mai. Encore. Dans le fond, c'est temporaire, leur poste, là, parce que les élections recommencent de toute façon à la fin de l'hiver. Fort complexe. Comment? C'est fort complexe. Ouais, mais les élections, tu t'en échapperas jamais. Jamais. Jamais. C'est ça la démocratie, Mathieu. C'est exact. Ce qu'on n'a pas quand les gens démissionnent, évidemment, parce que aussi, c'est pas super démocratique. Porte ouverte de l'UQTR, une occasion de tenter le Poulx de l'université. Le Poulx. Voilà, donc juste vous rappeler que c'est le samedi 30 janvier prochain que se dérouleront les portes ouvertes de l'UQTR. Vous aurez l'occasion de rencontrer les directeurs de programme ainsi que des élèves des étudiants plutôt. Mm-hmm. Qui étudient dans les domaines qui pourraient intéresser les nouveaux arrivants à l'UQTR. Aussi, il y a des visites guidées de l'université. Ça rassure un peu certains qui ont peur quand ils arrivent à l'université et qui trouvent ça très grand. Ouais. Également, je crois qu'il y a une section des portes ouvertes qui va être accordée à une visite guidée, mais par le web, parce qu'on sait que Google Street View. Google Street View a maintenant un pied dans la place. C'est pas pire, c'est le fun. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que c'était pas pire. C'est bien dit. C'était un vrai parolier, Louis-Philippe. Voilà pour les actualités. On se transfère maintenant à opinion, loisirs, société, de tout ce qui est englobé sur la grande bannière société avec Tania. Ah, c'est pas la première fois qu'on va en entendre parler, mais la fameuse lettre d'opinion, je n'ai jamais banalisé le viol, sauf une fois au chalet. Voilà, donc, sujet qui a créé la polémique sur le campus. Ça arrive pas souvent des affaires de même à l'UQTR. Non. Fait qu'on aime ça... Ça se tique dessus, là. J'utilise un anglicisme. C'est correct. Se coller. Ce ruban adhésif dessus. C'est ça. donc, évidemment, une lettre d'opinion qui explique que l'association, je crois que c'était du programme de comptabilité, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas, il y a du monde en tabarnouche dans cette lettre-là. Au total, ils sont 9-10. Vas-y. 10 à avoir 10 signé cette lettre d'opinion. Donc, exactement, qui se mobilise contre le party qui a eu lieu, qui s'appelait... Pas nécessairement contre le party. Pas contre, non. Non, je me suis très mal exprimé. La référence du party. Exactement, donc, qui fait référence, évidemment, à le « J'ai jamais touché à mes filles, excepté une fois au chalet », qu'on a tous bien ri, il faut l'avouer. Cependant, est-ce éthique d'utiliser ça dans un milieu universitaire? Est-ce que ça encourage la culture du viol ou ça la banalise plutôt? Ouais. Dans cette lettre d'opinion, on doit comprendre que les signataires croient que ça banalise la culture du viol. Évidemment, on sentait important de publier la lettre, étant donné que... C'est notre job quand même de le faire. C'est notre job de le faire, mais évidemment, si qui que ce soit veut réagir contre la lettre ou présenter des excuses ou n'importe quoi à ce sujet-là, oui. On est ouvert aussi aux autres points de vue, donc libre à vous d'envoyer ce que vous voulez. Zonecampus.ca, l'adresse courriel c'est redac.zc@qtr.ca, ouais. Redac comme dans rédaction, .zc comme Zone Campus. À UQTR comme Université du Québec à Trois-Rivières.ca comme Canada. Hein? Et voilà, c'est ce comme Canada. Voilà. Par la suite, c'est Alexandre Laramise-Wiki qui nous revient avec sa petite caricature qui met en contexte le carnaval UQTR et aussi le nouveau recteur de l'université. C'est le fun parce qu'en plus, non seulement il est super bien dessiné, le nouveau recteur, mais en plus, son chandail dit McMahon. Oui. Ou encore MC Mahon. MC Mahon. MC Mahon. Mahon, c'est Mahon. MC Mahon. Allez voir ça, on voit le point punch. Du côté de la société, eh bien, Kevin Gaudreau nous revient entre les deux pôles avec « Quelle est la phobie la plus fréquente? » Quelle est la phobie la plus fréquente? J'ai comme l'impression que c'est les araignées. C'est les araignées? Ben, sais-tu? Je croyais ça avant de lire. Ah ouais, je l'ai pas lu, ça paraît-tu? La chronique. La peur de s'engager. Sachez d'ailleurs, chers collègues, que je suis arachnophobe. Ah ben... Voilà. En fait, il y a sûrement plus de monde qui le sont qui ne le sont pas. Ben, j'ose croire, parce que ça, c'est... Ça, c'est la phobie des araignées? Ouais, arachnophobe, ah ouais. Phobie des araignées. Puis, faut avouer que c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de gens arachnophobes, puisque c'est affreux en soi, une araignée. C'est assez dégueulasse. T'as pas distrippé un Harry Potter, toi? Non, mais dans les films, ça va. Sincèrement, c'est... Okay. C'est en vrai, en là. Vrai. Je gère bien mal l'émotion de l'araignée, là. Mais ce n'est pas l'arachnophobie la phobie la plus fréquente, c'est la phobie sociale. Oh! Voilà, puis finalement, ben, je lisais ça, puis je réalisais bien que ça faisait du sens. Par exemple, la phobie sociale peut se présenter, vous vous en souviendrez sans doute, lorsque vous aviez des présentations orales à faire au secondaire, ou au primaire, ou peu importe où, mais surtout au secondaire, c'était les plus stressantes, moi, c'est je vrai, trouvais. Hein? Puis, c'est l'espèce de peur du jugement, puis les sueurs froides qui viennent avec ça, puis la feuille qui shake en avant. Ah oui, hein? Les jambes qui shake. Moi, je m'arrangeais pour connaître vraiment, vraiment mon sujet pour jamais avoir de feuille, parce que sinon, ça paraissait bien trop shake. C'est parfait, ça, comme idée. Voilà. Donc, ça, c'est les symptômes, ce que je viens de vous dire, des symptômes physiques de la phobie sociale. Évidemment, Kevin va nous parler de comment les gens... essaye d'éviter de confronter la phobie, soit en restant chez eux, soit en consommant quelconque substance. Puis évidemment, il va nous présenter des solutions, puis expliquer que c'est très important de confronter cette phobie-là si on veut pas qu'elle nous surclasse. Qu'elle nous paralyse et handicap. Exactement. Ouh, eh bien, Christina Monfette-Fortin revient avec sa mayonnaise, évidemment, et autres propos comestibles, mais cette fois, elle nous parle de l'argent qui poussait dans les arbres. Voilà, métaphore fort intéressante lorsqu'on sait que Christina nous parle de greenwashing. Oui, ok. Oui. Est-ce que vous savez c'est quoi le greenwashing? Rappelle-nous-le, voir. Je suis persuadée que je sais c'est quoi. Je te laisse prendre... C'est le fameux tournant vert que tout le monde a. Oui, ça ressemble pas mal à ça, en fait. Christina va s'attarder sur la portion consommation. Le greenwashing, c'est ce que les compagnies vont faire pour nous... convaincre que le produit qu'ils vendent est écologique. Mm-hmm. Par exemple, tous ces nouveaux produits en épicerie que tu peux acheter dans du carton qui a l'air recyclé, ça fait partie du greenwashing parce que si on lit vraiment ce qui est écrit, très souvent... 10% va être recyclé, quelque chose de genre. C'est ça, exactement. Ouais. C'est 100% du 10% qui est écologique. Ouais. Donc, faut faire bien attention avec ce phénomène massif-là de pas tomber dans le piège. Parce que finalement, en plus, tous les produits dits écologiques, ici je fais des guillemets, sont souvent plus chers, c'est-à-dire, que les produits de base. Ouais. Mm-hmm. Mais ils sont pas nécessairement plus écologiques. Donc finalement, c'est juste une manière pour les grosses compagnies de faire beaucoup d'argent. Sur le dos de réels concepts, le fun, apporté par des producteurs locaux. Mm-hmm. Donc la réelle manière d'acheter... des produits qui ne font pas mal à la planète et qui n'enrichissent pas des compagnies qui ont des monopoles, c'est évidemment d'acheter local. Ouais. Eh bien, Jean-François Veilleux, qui, dans sa chronique « Je me souviens au pouvoir citoyen », ensemble sur le dos de la même tortue. Exactement. Ce n'est pas, par contre, du lièvre et de la tortue que Jean-François Veilleux nous parle, mais plutôt Lorsqu'il part de la même tortue, c'est un peu comme le bouclier canadien, je dirais. Puis on est ensemble avec qui? Avec les Amérindiens. Qui, eux, sont un peuple, évidemment, qui sont présents depuis très longtemps. Ici, on sait toutes les polémiques qui ont été engendrées récemment par rapport au... à l'ouverture d'enquête sur les viols de femmes autochtones. Ouais. Et c'est une histoire parmi tant d'autres. Donc, Jean-François nous rappelle que c'est... on ignore peut-être un peu l'histoire de ces gens qui, finalement, sont en grande partie nos ancêtres, parce que sachez que 75% des Québécois dits de souche ont du sang amérindien. Mm-hmm. Wow! T'as voilà. Des félicitations? C'est quoi pour Tania? À ce temps que tu le dis, on dirait que... Ah. Je suis d'accord. J'ai de la misère. J'aimerais me dire ça de moi. Mais vous qui me voyez en ce moment, j'ai l'air tout sauf amérindien. C'est un jeune blond fringant, maigre et fringant. Ouais, j'ai plus ce look allemand, genre, c'est que vrai? Amérindien. Nordique, ouais, j'avoue. Ouais. Maintenant que tu dis allemand, je trouve que c'est tellement vrai. Mais, c'est si les lunettes, c'est les lunettes. C'est les lunettes, c'est les lunettes. Ça doit être ça, ouais. Les lunettes rondes. Mais si je me trompe pas, semble-t-il que mon nom viendrait... Quentin. Oui, voilà. Viendrait du nord de la France. Content. Du coup, voilà, de Normandie, puis à base, serait genre d'origine anglo-saxonne ou allemande. Ah ben, quelque chose comme ça. Donc, ça c'est pas que vous sachiez ça, parce que j'ai aucune idée, moi. Moi, j'ai su quand ma grand-mère est décédée, en fait. Okay. On fait comme une espèce de recherche à savoir d'où on est exactement pour certains papiers, puis on a comme tous vu découler ça. Baudin. Ah, c'est vraiment le mais fun. Mais Baudin vient de mon père, vient pas de ma mère. Ah, d'accord. Ta mère, c'est? La Fleur. Ah, ça sonne pas amérindien, tellement. Non, je sais, hein. Ouais. Mais ma grand-mère, c'était Amel. Ah, eh bien, très bon, on apprend des choses. Hein, on se croirait à Canada. On sait maintenant mon arbre généalogique. Wow. C'est tout pour la société. On passe aux arts et spectacles maintenant. Et on commence avec quelque chose de vraiment intéressant dans les sous-sols de l'université. Vous êtes déjà passé par là pour aller peut-être au CAPS. Ça fait peur. Ça faisait peur. Ça faisait peur, gris. Voilà. Maintenant, c'est rendu beau parce qu'il y a des murales aux couleurs des patriotes. Oh! Ouais, donc super le fun comme concept. Puis je me souviens, Mathieu, d'un moment où on se promenait dans les tunnels de l'UQTR. Pour... Les trois nous-mêmes. Les trois nous-mêmes, oui. Ah, c'était ce fois-là que j'ai fait ce commentaire-là. C'est très possible. Faisons mais... comme si on était tout ensemble. Faisons comme si. On se rendait chercher le journal qui venait de sortir le mardi. Le Zone Campus. Probablement juste après une de ses maintes chroniques, Zone Campus. Puis, oui, parce que c'est le mardi qu'on reçoit le journal. Voilà, exactement. Qu'on fait la chronique aussi. Ouais. Donc, on marchait dans les tunnels et je me souviens avoir, en regardant autour de moi, avoir fait le commentaire « Ce serait le fun, des murales. » C'est vrai? Ouais. Oui. Ben, on en avait parlé. C'est maintenant chose faite. Ça n'a pas été long, hein? Action-réaction. Ouais. Les murs nous ont entendus. Si seulement les murs pouvaient nous écouter. Les murs ont des oreilles. Oui. Voilà. Les murs ont aussi maintenant de la belle peinture dessus à la thématique sportive, puisque c'est dans le tunnel qui mène au CAPS. Puis j'ai discuté rapidement avec Catherine Hood, qui était en charge du projet, puis elle m'a dit que le projet serait renouvelé avec d'autres thématiques. Parce qu'ils ont à chaque forcé... année, non? Ben, je sais pas, à chaque année, plusieurs fois par année, ça, j'imagine que ça va dépendre de la motivation des étudiants en art, mais je sais qu'elle m'a dit aussi que ça serait, le projet serait ouvert aux étudiants qui ne sont pas en art, parce qu'il y a d'autres mondes qui savent dessiner que le monde qui étudie en art plastique. Donc, c'est le fun, parce que ça va tranquillement pas vite colorer un peu les veines du campus. Tout à fait, c'est vraiment très très très cool comme idée. Voilà. Et c'est très beau aussi, donc des formes rondes, je dirais orange et bleu, sur ces murales. Allez les voir dans le sous-sol, dans la cave. C'est ça, allez vous promener dans le sous-sol de l'UQTR. Hey, s'ils peuvent mettre des pubs, là, il y a un panneau publicitaire de publicité. Là. Qui annonce des publicités dans le sous-sol, dans la cave. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a sûrement du monde qui passe par là, sinon il n'y a pas mis de pub là. Hein. Ou la pub a vraiment pas coûté cher à mettre. Ou dans le temps, les gens passaient par là. Beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Ben, les panneaux publicitaires sont récents depuis que je travaille ici, fait que ça fait pas... Et, je sais que ça fait longtemps pour vous autres, mais ça fait pas si longtemps que ça non plus. Bref, faites ça pour... Et ça coûte cher à installer parce qu'il faut passer la lumière dedans. Allons-y avec une entrevue avec Cosmophone. Attends, est-ce que j'ai sauté un article? Excuse-moi, j'avais pourtant gardé ma feuille. T'as-tu sauté un article, Mathieu? Oui, j'ai sauté un spectacle, excuse-moi. Alors, c'est important d'en parler, on veut que les gens y aillent. Donc, les participants de Ucteur en spectacle cette année, on a Meshach au piano et chant. Désolé de mal le prononcer, c'est le cas. Harry et Lynn, qui présenteront en première Ucteur en spectacle un numéro de chansons populaires en anglais. Anglophone. Uh-huh. Donc, en même temps, je lis ça, ça me fait comprendre qu'on a le droit de chanter en anglais à 8 heures en spectacle. C'est les seuls maintenant. Ouais. C'est nouveau. Parce qu'ils ont augmenté le pourcentage. Ils ont le droit à 10% du spectacle en anglais. C'est bien ça qu'il avait dit. C'était pas 10% avant, maintenant c'est genre 40%. Ils ont augmenté les proportions de ce qu'ils ont le droit de faire en anglophone. Ouais. En tout cas, je me rappelle pas c'est quoi les chiffres moi non plus, mais ça a changé. Je sais pas pourquoi ça a changé, mais ça change. C'est étrange, peut-être parce que les participants voulaient beaucoup faire du stock en anglais. Ben, je sais que c'est deux étudiantes en enseignement à l'anglais. Oui. Alors, donc, ils ont des goûts très, très mainstream. C'est donc plus valide. Ouais. Peut-être. Peut-être. On ne sait pas. Sinon, il y a également Daniel Ajduga au violon et une troupe de danse qui se nomme Eclipse, ainsi que le duo Christelle, qui fera une démonstration artistique d'ombre chinoise. Oh, intéressant ça. L'animation sera soutenue par Nadia Tranchemontagne, Marc-André, Marion Flamand, Frédéric Simon, ainsi que tous les membres de la Luître. Ah, je ne savais pas que tous les membres de la Luître... Semble-t-il, Mathieu, semble-t-il. Cool, très très bonne idée ça d'avoir demandé à la Ligue d'impro de faire ça. On travaille avec Cosmophone, c'est un groupe de musique qui sort un maxi, un EP qui s'appelle Cosmophonie. Voilà, on avait déjà couvert un de leurs spectacles à l'automne. Ils viennent de sortir leur premier EP, donc pour ceux qui ne savent pas, un EP c'est un extended play. C'est ce qui vient juste avant un long play, un disque donc. Souvent avec moins de chansons, ce qui permet au groupe de mieux travailler. C'est plus qu'un single, moins qu'un CD complet. C'est ça, exactement. Les deux. Ça permet de donner une meilleure idée du son du groupe. Ça permet également au groupe de se concentrer sur moins de chansons puis de mieux expérimenter dans ce format réduit, disons. C'est plus facile donc, aussi quand tu sors un album par année ou par deux ans, d'avoir un EP dans le milieu de l'année pour garder ton nom dans la tête des gens aussi. Exactement, donc... Alexis Vaillant-Gamache qui va nous parler de Cosmophonie, le premier EP de Cosmophone, groupe de la région. Ce qui est très intéressant, c'est que l'album, le EP, a été enregistré au studio Référence, qui est le studio du musicien Guy Saint-Onge, compositeur reconnu. C'est vraiment, sincèrement, j'ai eu l'occasion de voir. Et c'est un des plus beaux studios au Québec. Là, genre de studio avec des grandes baies vitrées avec... La forêt, l'autre bord, là, ce genre de studio-là, avec du bois partout. Là. Ouais, j'imagine tellement les fruits que ça donnerait des baies vitrées. Ah, oh, des bonnes baies vitrées. Des baies vitrées. Mais tu saignes un peu de la bouche quand tu manges ça, par exemple. Ça. On va rester dans les articles pour l'instant avant de passer aux chroniques. Théâtre des Nouveaux Compagnons, par Marie-Christine Perra. Nous sommes tous bourreaux. En fait, ça parle d'une pièce de théâtre, n'est-ce pas? Effectivement, d'une pièce de théâtre existentialiste de Jean-Paul Sartre, que plusieurs de nos auditeurs, j'ose l'espérer, connaissent, qui s'appelle « Huis clos », qui raconte la descente aux enfers de trois personnages qui, enfermés dans une pièce, doivent essayer de trouver la rédemption par leur discussion, mm-hmm. et qui constatent évidemment à la fin que l'enfer, c'est les autres. C'est de là que ça vient, exactement. Donc, c'était présenté à la salle Louis-Philippe Poisson. Ce qui est très intéressant, c'est que pour une pièce comme « Huis clos », dans la salle Louis-Philippe Poisson, il n'y a pas de gradin, proprement dit. Le sentiment d'enfermement puis le sentiment d'inclusion pour le public devait être vraiment présent. Donc, c'est une pièce qui devait être fort intéressante, qui était présentée du 21 au 23 janvier. Fait divers, c'était avec Alexandrine Pichessier, notre ancienne et future chroniqueuse. Elle vient puis à part, cette fille-là, c'est pas ce qu'elle fait. on l'adore. Aussi, en théâtre, on a un tour de force de 90 minutes au théâtre Advienne que pourra. Voilà, dans un autre ordre d'idée que du théâtre existentialiste, il y a également le Tour du monde en 80 jours qui était présenté ce dimanche dernier à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Vous verrez dans le journal avec les photos que c'est pour une pièce pour enfants, pour le dire que c'était du théâtre jeunesse. Ça semblait vraiment magnifique, ouais, les enseignes, les costumes. Semblait vraiment ludique comme pièce pour des enfants. Puis évidemment, quand tu te bases sur un œuvre de Jules Verne, t'es quand même capable d'avoir de quoi d'assez éducatif pour les bambins. Voilà. Passons aux chroniques d'art et spectacle maintenant. Commençons par la tienne. Chronique d'un lunatique, la nostalgie, comment l'aborder? Donc, vous aurez constaté, les amis, que dans... on n'était pas collègues tantôt, me semblait. Non, mais là, depuis ce temps-là... On est rendu amis. On a tissé des liens. On a tissé des liens. Comme des araignées. Ah, arachnophobie. C'est correct, il n'est pas là pour vrai. En tout cas, j'espère. Là, mais je suis en ce moment en train de regarder au plafond. Il y en a certainement au moins une. Ouais. Mais l'hiver, on est chanceux parce qu'il meurt. C'est vrai, ça. Plus. Hey, ça. Génocide, toi. Il me semblait que t'étais allemand aussi, hein. Espèce de Hitler des araignées. Commence pas à essayer de répandre cette rumeur-là. Mais non, les araignées sont très utiles, là. Je dis pas. Pour les autres. Dans la nature, c'est pour les autres, pas vraiment... pour toi. C'est juste qu'ils sont pas belles. Comme disait Sarto Suc, là, il disait l'enfer, c'est les autres. Oui, ça. Oui, oui. Qui, comment tu l'as appelé? Sarto Suc. Sarto Suc. Ok. Merci. Un petit rire de loin, là. Ouais. Donc, la nostalgie. Oui. Comment l'aborder? Comment l'aborder? Parce que partout sur la scène internationale, qu'on parle de musique, qu'on parle de cinéma, qu'on parle de théâtre, on souffre d'un travail de la nostalgie assez comme assez gossant quasiment. Je sais pas trop comment dire ça, mais ça reste assez empreint dans notre culture de masse du moment. Évidemment, le Québec ne s'y laisse pas couper l'herbe sous le pied parce que avec des nouvelles séries comme Les Pays d'en haut, on reste nouvelle série, grosse hein. Nostalgie. Ouais. Ça. On reste dans un gros appel à nostalgie. Pire encore, Piment fort. Ah, ouais. Revenu. J'ai pas regardé par contre. Ah, regarde pas, c'est la même chose. Ça m'a pas donné. En tout cas, ça m'appelle pas. J'ai comme l'impression que, en tout cas, moi, l'émission que j'ai regardée, j'ai comme trouvé que c'était meilleur dans le temps où j'étais jeune. Ah, mais la nostalgie, c'est souvent ça. Hein. On en parle souvent, mais je suis dans Full House en ce moment, une série des années 80-90. Mm-hmm. Je trouve que c'est tellement moins bien écrit maintenant dans le présent que quand je regardais quand j'étais jeune. Passe-partout, certains vont dire, c'était meilleur dans le temps. Ouais. Télépirate, n'importe quoi. Tout ce qu'on regardait quand on était jeune, on avait notre cerveau n'était pas pareil à l'époque. T'sais. Non, ça a changé. On est capable d'analyser maintenant. C'est ça la différence. L'esprit d'analyse, je pense. Voilà, mais c'est exactement ce dont je parle dans ma chronique. Puis, je parlais des pays d'en haut, là, deux secondes. Ça en est une que j'ai. Que t'as regardé? Oui, que j'ai regardé. De qualité de plus, celle-là. Ben, écoute, dans mon point de vue critique, objectif, j'ose croire que oui, mais je ne sais pas si ma subjectivité inconsciente parle là-dedans parce que je suis un grand fan des pays d'en haut, l'œuvre de Claude-Henri Vignon, puis j'ai. Même regarder toutes les vieux belles histoires des pays d'en haut, là, ceux qui passent encore à la TV. Là. J'ai le gros coffret chez nous. Ouais. Je suis vraiment fan de ça, là, malgré le fait qu'il y en a qui diront que c'était pas si intéressant que ça. Moi, j'adore ça. Donc, évidemment, je suis vendu d'avance. J'ai regardé la nouvelle série des pays d'en haut. J'ai trouvé que l'adaptation moderne était fort intéressante. Mais si c'est une adaptation, c'est différent. Une adaptation, ça veut dire qu'on a changé les choses pour l'adapter au monde, pas d'aujourd'hui, mais à une autre façon d'amener les choses. Ben, la vision est. La vision est différente. Il n'y a pas de censure. Ouais. C'est la grosse différence. Évidemment, dans le temps, les gens eux-mêmes souffraient de la censure religieuse. Ouais. Donc, ils n'étaient pas capables de s'exprimer comme du monde. Parce qu'ils se sentaient un petit peu comme retenus par la religion. Brimés, ouais. Cependant, lorsque le livre est sorti, il a été énormément censuré, mais là, on parle ici de censure littéraire en soi. Donc, évidemment, dans la nouvelle série, ce qu'ils vont démontrer, c'est que les gens, oui, souffraient, étaient très, très religieux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pulsion. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est montré dans les pays d'en haut, d'où le fait qu'ils ont enlevé le Belles Histoires. Mm-hmm. Parce que ça restait assez, assez rough, si je peux me permettre l'anglicisme, la fin du 19e siècle. Moi, j'ai quand même la difficulté avec la façon dont tu parles. On dirait qu'ils parlent trop comme aujourd'hui. Ah, OK. Ça, je suis pas contre ce que tu dis. C'est pour ça que j'ai trouvé très pertinent le personnage, celle qui réinterprète la lionne, là... comment qu'elle s'appelle? Donc, elle joue dans Les Appendices, elle joue dans Série Noire. Puis, je me souviens plus de ton nom! J'oublie toujours son nom. On va vérifier, Tania. Il faut qu'on le sache. Mais j'ai pas regardé encore. Ça m'intéresse, par contre. Sincèrement, j'ose croire au final que ça vaut la peine. Est-ce que t'as aimé le film? J'ai trouvé que le romantisme prenait un petit peu trop de place dans le film. Okay. La relation de Karine Vanasse et Roy Dupuis. Ouais. Cependant, dans celui-là, je trouve que c'est peut-être un petit peu mieux équilibré. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'apports historiques. On a réintégré de manière plus importante le personnage d'Arthur Buis, donc écrivain de l'époque. Est-ce qu'on parle de soit Amélie Grenier ou Julie Le Breton? Non. C'est pas Julie Le Breton, c'est sûr. Ni une l'autre. Ni une l'autre. Mais moi, par contre, j'aimerais qu'on amène, tant qu'à divaguer et dépasser notre case horaire allouée, j'aimerais qu'on fasse la différence entre une réinterprétation, comme les belles histoires des pays d'Ombre, une continuité ou une suite, comme X-Files, qui vient de recommencer. Ou Star Wars. Suite. Star Wars est une suite, c'est ça, mm-hmm. en tant que tel, même si c'est pas les mêmes auteurs et pas les mêmes producteurs. Et ce qui est comme un remake, il y a une différence avec les remakes et les de refaire la même histoire de la même façon, comme on voit avec les films aux États-Unis ou les films de d'autres pays. Il y a plein de catégories de refaçon. C'est pas nécessairement tout le temps une réinterprétation, il y a plein de catégories comme ça. Puis, je préfère les suites que les remakes. C'est vrai? Ouais. Moi, je pense que ça dépend toujours ce que t'en fais. Oui, c'est ça, ça dépend. Parce que, puis c'est ce dont je parle dans ma chronique. En passant, c'est Anne-Elisabeth Bossé. D'accord. C'est ça, hein? Ouais. Donc, ce que je dis dans ma chronique, c'est que, dépendant de ce que t'en fais, l'idée de faire un remake peut être intéressante parce que tu vas aller chercher plus de public. Tu sais, personnellement, mm-hmm. moi, j'ai adoré, par exemple, des nouvelles idées comme Série Noire. J'ai trouvé mm-hmm. ça ouais. excellent. Ça, je suis pas un gros... J'écoute pas beaucoup de séries, mais celle-là, je l'ai vraiment adorée. Puis, quand je suis arrivé devant Les Pays d'en haut, ce que j'ai trouvé cool, c'est l'espèce, justement, d'apport historique, comme j'expliquais ouais. tantôt, qui me permet d'avoir un petit peu d'éducation à travers ça. Puis, je me mets à la place du grand public, qui, lui, est frileux à l'idée d'écouter des nouvelles choses, qui va se pencher sur ce remake-là. Mais qui, au final, va quand même avoir de quoi d'intéressant. Je suis pas d'accord avec le fait que c'est un remake, je le mettrais dans la catégorie réinterprétation. Excuse-moi. Le remake aurait été de reprendre les mêmes personnages avec le même texte, je trouve. Pour que ce soit dit remake? Ouais, je trouve. Ouais, ben tu sais, c'est vrai que c'est les grandes lignes qui sont ouais. reprises, les personnages. Je pense que les archétypes sont là, mais que malgré tout, tu sais, on creuse plus ce que l'auteur réel, Claude-Henri Grignon, aurait fait si ça n'avait pas été de la censure de l'Église à l'époque. Ouais. Donc, sincèrement, je pense que ça vaut la peine de le regarder, puis que c'est bien que ce soit encore attardé à ce sujet-là, parce que ça donne une chance au grand public de se pencher sur de quoi qu'il n'aurait peut-être pas considéré si ça avait été... Ça avait été une nouvelle série. C'est plate à dire, mais... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça. Ouais. Et moi, ce que ça me fait dire, ta chronique, c'est la semaine où t'es pas là, on devrait faire ta chronique à la place du lunatique, puis pas parler de ta chronique pendant la collection de campus. C'est vrai, ça. On vient de passer 20 minutes à faire ça. C'est pas faux, ça. Continuons fait avec... Fait que Louis-Philippe pourrait devenir un chroniqueur. Ben, tu sais, pourquoi pas, hein. On en reparlera. L'avant-dernière chronique qu'on a en arrêt spectacle, c'est Vision d'Anna. On va accélérer un peu la cadence, mais chronique littéraire. Lire, ça vaut-il la peine de s'arrêter? Donc, est-ce que, évidemment, dans un monde qui va vite comme le nôtre, la chronique en ce moment qui devrait aller plus vite parce qu'on a fait du blabla longtemps, est-ce que ça vaut la peine de s'arrêter et de prendre le temps de lire? Je pense que oui. Je pense que oui aussi. Je pense également que oui, évidemment. J'en ai fait mon domaine d'études, donc j'ose croire que... T'es biaisé un peu. C'est ça, je suis un peu biaisé. Mais reste que oui, je trouve que ça reste très pertinent. Comparativement, j'adore le cinéma, mais quand tu lis un livre, ce qui est le fun, c'est que c'est ton cerveau qui fait les images. Oui. Donc, malgré le fait que c'est pas toi-même qui écris l'histoire, je pense que le travail d'imagination est quand même vraiment fort lorsque tu lis. La preuve, c'est les films qui sont basés sur les livres. Les gens n'avaient pas la même image que les acteurs qui étaient choisis parce qu'ils s'étaient fait eux-mêmes leur propre personnage. Exactement. Des fois, ça déçoit. D'autres fois, ça satisfait. Je sais pas s'il y en a que j'ai été... Je me souviens, moi, j'aime bien la littérature fantastique. Je me souviens qu'il y avait un film qui était sorti dans le temps qui s'appelait Eragon. Oh mon Dieu, c'était ouais. C'était mauvais, là. J'avais adoré les livres quand j'avais peut-être 14-15 ans. J'avais détesté la réinterprétation. Comparativement à, par exemple, une œuvre comme Le Seigneur des Anneaux, qui était acclamée et qui a gagné des Oscars pour la direction visuelle du film, justement. Donc, évidemment, ça dépend toujours du réalisateur qui travaille la chose. Tout à fait. Hey, dans la petite ténébreuse, c'est Michel Robitaille qui nous parle de la journée de commémoration des génocides et des crimes contre l'humanité, les autres génocides, finalement. On parlait de génocide tout à l'heure. C'est également ce dont nous parle Michel. Nous parle... exactement. Nous parle du génocide des Arméniens, des Cambodgiens, ainsi que des Tutsis. Donc, des génocides qu'on ignore un peu plus. Celui des Arméniens qui date... il n'y a pas si longtemps que ça. On a commémoré les 100 ans de tout ça l'an dernier, je crois. D'ailleurs, ça s'était terminé avec un énorme spectacle sur une place publique en Arménie, un spectacle de System of a Down. Wow! Parce que c'est des Arméniens. Sachez-le, ouais, ils ont toutes des origines arméniennes dans ce groupe-là, puis très important pour eux de parler de ce génocide-là, de montrer qu'il y en a eu un, en fait. Là. Ça s'est déroulé, en fait, pendant la Première Guerre mondiale. Ce génocide-là, j'aimerais bien en parler plus, mais vous lirez la chronique. C'est ça. Hein? Voilà pour les arts et spectacles. Il nous reste seulement les sports avec Tania. Eh bien oui, quatrième victoire de suite pour les Patriotes. OG s'adresse devant les Stingers. Voilà, donc malgré le pointage, les Patriotes n'ont pas offert leur meilleure performance de la saison. L'exécution n'était pas au rendez-vous et les revirements beaucoup trop nombreux. Cependant, c'est Sébastien Auger qui a su briller dans le match. Parce que l'équipe avait peut-être un tonus un peu moins important dans cette game-là, il a dû pallier à ça en faisant, en fait, 46 arrêts sur 48 tirs. Donc, du point de vue du gardien de but, c'est un excellent match qui s'est déroulé. Malheureusement, ça n'a pas suffi à ce que les Patriotes ne s'inclinent pas. Et si je ne m'abuse, c'était la quatrième victoire calculée locale parce que c'est la septième victoire de suite sur les patinoires adverses pour les Patriotes. Les Patriotes se plaisent loin du Colisée. Voilà, donc on vous parlait il y a deux semaines de l'ouverture du campus à Drummondville. On sait que les Patriotes sont allés jouer à Drummondville. Par contre, là, c'est pas à Drummondville, là, je suis tout mêlé. Là. Je suis en train de dire n'importe quoi. Là. En tout cas, ils ont joué contre les Golden Gales et les Patriotes ont gagné 6-2 ainsi que 3-2 en deuxième prolongation pour le deuxième match mentionné. Donc, cette fois, pour ces matchs-là, ça a beaucoup mieux été que le premier. Oui, ça va bien là, présentement. Exact. On est toujours premier au classement, donc ça va bien. Du côté de la natation, eh bien, les Patriotes à la Coupe universitaire. Voilà, c'est Sarah Villeneuve qui s'est illustrée dans le domaine, en fait, à la Coupe universitaire qui se déroulait à l'Université Laval. Sarah Villeneuve, qui est étudiante au baccalauréat en sciences de la santé, donc section ergothérapie, ici à l'UQTR. Donc, elle a offert en fait, ses meilleures performances à vie dans ce championnat-là, ce qui lui a valu la 14e place ainsi que la 16e place selon les catégories. Donc, elle n'est pas arrivée première, c'est une étudiante de l'UQAM qui a gagné, mais malgré tout, elle a offert ses meilleures performances et on ne lui souhaite que de s'améliorer pour la suite. Absolument, voilà. Et le championnat aura lieu le 5, 6 et 7 février prochain à l'UQTR. Merci, Tania. Au CAPS. Génial. C'est tout pour les sports, Tania? Eh bien, non. Il en reste un petit peu. Il en reste juste un petit peu. Faut pas laisser de silence. On parle d'UQTR, UQTR, on ne sait plus comment appeler ça, mais toujours plus d'activités pour eux. Voilà, dernière activité qui s'est déroulée, c'était une conférence, en fait, d'une madame qui s'appelle Gitane Charron. C'est pas une madame, c'est une jeune fille. Ah, c'est une jeune fille? Oui. Oh, j'ai dit madame. Ouais. Mais j'ai pas dit vieille madame, ça peut être une marque madame de respect. Madame, c'est ouais. Qui est plus connu sous le nom de la Globe Loveuse. Donc, il faisait une conférence pour me parler du voyage en hybride, du voyage à coût réduit. Donc, des conférences du genre, il va en avoir d'autres. L'article nous parle également des activités qu'il va avoir au courant de la session. On parlait aussi un petit peu plus tôt dans la session de football universitaire. Ça a été cancellé, ce fameux projet-là. Par contre, on parle d'équipe féminine de basketball à l'UQTR. Pourquoi pas? Exactement. C'est un projet qui est, disons, un peu sur la glace depuis qu'on parle d'une équipe de football. Mais tranquillement, ça revient. Puis évidemment, ça peut être très intéressant parce que c'est beaucoup moins cher d'avoir une équipe de basketball. Mm-hmm. Il y a un public pour ça à Trois-Rivières. On sait que les Diablos sont une équipe de basketball quand même assez bonne. Ouais. Puis c'est également le cas au Séminaire Saint-Joseph. Même chose aux Estacades. Aux Estacades aussi. Donc, on sait que le basketball est présent à Trois-Rivières. Puis certains partis à Trois-Rivières, au sein de l'UQTR, ainsi que ailleurs dans la scène sportive locale, croient qu'il faudrait cesser de parler du fait qu'il n'y aura pas d'équipe de football, mm-hmm. puis se concentrer sur ce qu'il pourrait avoir à place. Mm. Ben oui, parce que ça coûte pas mal moins cher d'infrastructure. Oui. Voilà. Donc, ce serait vraiment le fun, une équipe de basket. Et là, Mathieu, c'est tout pour les sports. C'est tout pour de vrai. Super, merci à vous deux. Merci beaucoup, Louis-Philippe Quentin. Ça fait plaisir, merci à vous. Jour de la zone campus en kiosque à partir d'aujourd'hui, un petit peu plus tard en matinée, donc sur le campus et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zonecampus.ca pour le blog, page Facebook Zone Campus. Et on te retrouve dans deux semaines si tu n'acceptes pas l'invitation de venir la semaine prochaine. Et de venir à chaque semaine. Ben là, j'ai déjà parlé de ma chronique. Là. On va Mais après ça, Donc dans trois semaines. Dans trois semaines. Peut-être. On verra. Ça va dépendre de ce que j'écris, je dirais. Ah, c'est ça. Ça va dépendre s'il faut qu'il y ait des genoux frites ou pas. C'est tout pour Assemblage Rocky pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Louis-Philippe Quentin, comme je viens de le dire. Merci à Jimmy Thibodeau pour sa chronique « C'est dans le monde que ça se passe ». Alors, merci quand même Gabriel Béhoud parce qu'entre-temps, depuis sa chronique tantôt à laquelle il ne s'est pas présenté, il est venu nous voir en studio. Il va être avec nous jeudi matin à la place pour parler du match du carnaval, ce qui a bien du sens parce que le match du carnaval est en effet jeudi. Hein? C'est ça fait très bien. Donc voilà. Demain à l'émission, nous serons mercredi, nous aurons Sébastien Ebgartin à 8h pour sa chronique, d'actualité internationale, grand public, je dirais. Ensuite à 8h30, Frédéric Bernard et Google Globe pour parler d'Internet. C'est demain entre 6h30 et 9h30. Sinon, aujourd'hui sur nos ondes à 11h, on a bien sûr le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, Rock de Neurone avec du rock progressif. À 15h, Tania et moi serons de retour pour aller palmarès C'est fou. Ensuite, à 19h, c'est l'émission réanimation avec du métal et de l'horreur. CIFU.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Merci encore, Tania. Merci à toi, Mathieu. Et à demain. À demain. 6h30. Bon café! Oui! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh